Bienvenue au Geek Collectif, épisode 31. Wow. 31 fois le malaise. Oui. Comment ça va, les boys? Ça va bien, ça va bien. J'étais en fin de sinusite, ça fait que ça va mieux, mais ouais, ben... la voix raquée un peu. T'as la même voix que Marie-Chantal Toupin. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas. J'essaie de penser à sa toune, mais il n'y en a aucune qui me vient à l'esprit. Par penser à sa toune, tu veux dire, te rappeler l'image qu'il y avait en haut du pont Jean-Cartier. Sa toune. Sa toune. La toune. La toune. La toune. Je suis arrivé à Montréal, puis j'ai été présenté à Marie-Chantal Toupin, moi, en 2002. Hein? Elle était la star du Québec. Tu viens de l'année, puis tout à l'heure. Ouais, mais c'est non, moi, c'est l'année qui est arrivée à Montréal. Je cherchais la toune, tu sais, on prend la terre pour une poubelle. C'est que le maudit bordel. Oh my god. Ouais, ouais. Ben au moins, t'as pas parlé de la maudite soirée de filles ou quelque chose de même. Ouais, non, j'avoue, je l'avais oublié, celle-là. Ouais, merci. Ah, puis c'est un classique, ça. Bon. C'est pas comme la Marjo de l'an 2000, ça. Oui. Ouais. On arrête ça. Donc, vous écoutez le Geek Collectif. Grand fan de Marie-Chantal Toupin. C'est ça, énorme fan de Marie-Chantal Toupin. T'sais, le monde, il voit Geek dans le titre, il écoute ça, puis ouais, la toune de Marie-Chantal Toupin. Là, pis... Donc, c'est pas te faire, moi, ça. Geek Collectif, épisode 31. Nous sommes présentement en décembre. Les parties de Noël ont commencé. Déjà passé pour moi, la plupart. Également. Pour toi, moi, dans ça une semaine, vient, je pense, à peu près. Ah, ben c'est bon, ouais. C'est bon. Fait que... Même la job ou... Bon, ouais, celle de la job, il est tard, hein, moi, juste. Ah, il fait proche de Noël, au moins. Ah, c'est pour celui de famille, d'habitude, il le fait le 6 décembre. Ouais, ouais. Comme ça, c'est tassé. Cette année, celle de famille, on le fait le 25, finalement. Là, mais... ouais, ouais, l'année prochaine? Je sais pas encore. OK. On verra. Ça a bien du sens. Grosse famille, recueille ben, tout le monde, gros souper. Tout le monde chez nous, en plus. Sérieux? Ouais, ouais. Une vingtaine de personnes. Et on s'est dit que ça va être moins de troubles à recevoir le monde puis leur dire d'amener de quoi que... D'aller chez quelqu'un d'aller d'amener chez de quoi? Quelqu'un. Non, ben de traîner les enfants. Ah! En même temps, les enfants vont être contents, sont chez eux, peuvent aller se coucher à un moment donné à la place d'être de mauvaise humeur. Ben, c'est sûr qu'ils peuvent se coucher pendant que ma tante Ginette annonce dans le, ouais, dans le parking. Mais, c'est pas pareil. Là, mais ouais, là ils peuvent aller se coucher quand ils veulent qu'elles sont brûlées. Ils vont dans leur chambre. Ouais, au pire, tu fais un petit aménagement dans le sous-sol. Ben, c'est ça. Il y en a un qui a sa chambre dans le sous-sol déjà. Fait que tout le monde va être bien. Gras dur, pareil. Ouais. Toi, Eric, ça a l'air de quoi le temps des fêtes? Ben, ça, les parties de job, c'est fait. Mais là, on commence avec la famille, des choses comme ça qui commencent à venir. Là. Party de Noël, party de famille, puis aussi je suis dans le merveilleux monde du vente au détail, comme par choix, puis malheureusement le temps des fêtes c'est le pire temps, mais ça passe vite. Je sais pas si ça te fait ça, mais on dirait cette année, j'en perds des bouts là, mais c'est incroyable. Tu perds des bouts de ton année? Non, pas de l'année, ça j'en perds tout le temps chaque année, des bouts de mon année, là, on s'entend, ils appellent ça un vendredi soir bien arrosé. Mais non, j'en perds des bouts, j'oublie des choses, Le temps passe plus vite. Ça n'a pas de sens, je me sens dépassé cette année, c'est incroyable. Puis là, c'est comme, tu regardes dehors, il y a de la neige... T'as pas acheté de cadeaux, t'as pas rien fait, c'est le bordel. Tu regardes dehors après, il y en a plus. Il y en a plus. T'es plus sûr. Ah non, mais regarde, je me sens, honnêtement, puis je suis sûr que je m'écouterais l'année passée, j'aurais dit la même chose, mais je me sens vraiment dépassé par des événements cette année, là, c'est incroyable. Ah, mais ça va se replacer, je te l'assure. Il va y avoir un moment où il va y avoir une toune qui va embarquer, puis ça va cliquer, là, puis tu vas être comme, c'est vrai, j'aime ça, cette année-ci. Ben oui. Soit ça, ils vendent des pilules pour ça, je pense. Ils vendent, non, ils prescrivent. Ils prescrivent? Ah, ils vendent? Oh, pilules comme ça, toi, tu parles. Des pilules comme ça. Des pilules de Noël. C'est ça, on parle-tu de consommation de drogue qu'on achète ici tout de suite, là, ou non? Non, non, on ne parle pas de ça, car le Geek Collectif est un podcast à saveur de variété. Oui. Ça se dit, ça, une saveur de variété? Mais c'est explicite. Ça goûte quoi, la variété? Ça, moi, je pense que ça goûte le poulet. C'est bland, ça, me semble. J'allais dire, ça goûte Guy Jodoin. Ça goûte... Pourquoi Guy Jodoin? Je sais pas. Man... Ça goûte que ça sent. Fait que ça sent Guy Jodoin. Regarde, on va te laisser la chance que les auditeurs oublient le commentaire de Guy Jodoin. On va revenir à la fin de l'épisode, par exemple. Laissez ça mijoter dans votre tête. Et... Qu'est-ce qui s'est passé de bon avec vous autres cette semaine? Ben, qui veut commencer? Moi, ça me dérange pas. Moi, j'étais malade. C'était incroyable comment j'étais malade. Fait que j'ai pris ça très, très, très, très, très relax chez nous. J'ai lu, puis un peu grâce à André, sans le vouloir volontairement, parce que je demandais à Wintermute, dans le fond, j'ai dit, suggère-moi de quoi. J'ai fait un peu le tour de mes Invincible que je lisais. Ouais. Puis j'ai dit, suggère-moi de quoi de bon. Puis il m'a suggéré The Boys. un comic que j'ai cherché, puis j'ai juste pas réussi à trouver, puis c'est une série qui est encore en train de continuer, puis je voulais de quoi quand même assez, pour l'instant, comme je veux pas dire complet ou plus long, avoir du contenu, parce que je savais que j'aurais lu beaucoup, fait que j'ai pogné à place, vu que j'ai pas trouvé l'autre, à défaut, j'ai pogné Ninja Turtles. Les comics. C'est vrai, toi, t'as commencé à lire ça selon ton Instagram puis, et tes 8 photos par jour. Moi, je m'amuse quand je lis ça le soir, là, je prends des photos. Mais le pire, c'est que je voyais tes photos, puis ça me rappelle tout le temps les bouts où c'était rendu dans les comics. Fait que c'est comme si on le lisait ensemble, Milter. Ah, on partage des moments, puis tu le sais même pas. Vraiment, c'est cute, votre affaire. C'est cute, hein. Toi aussi, tu peux embarquer Eric, puis lire les Ninja Turtles. J'ai jamais lu les Ninja Turtles. Partage le moment. Non, mais moi, pour de vrai, j'avais peur un peu parce que. Tu me parlais déjà que c'était différent, des cartoons, puis des films, puis tout. Puis moi, ben j'ai les souvenirs des cartoons, beaucoup, dans ma tête. Le Kawabunga Doo, la pizza, les bandeaux de couleurs. Je trouvais qu'il y avait quand même, pendant les peut-être 3-4 premières saisons, un certain contenu, continuité dans la série, si on peut dire. Puis après un certain temps, là, je sais quoi, ça a duré quoi, 7 ans, ça, 7 saisons, quelque chose de même. 7-8 ans, facile. Mais vers la fin, c'était rendu une pub un peu, là, comme le ninja lapin, puis le gars mutant avec une poubelle dans lui. Hey, le ninja lapin, là, Usagi Yojimbo, là, c'est un autre comic, tu sauras. Là. Mais, Bucky O'Hare? Oui, mais le personnage... on va en venir à Bucky O'Hare. Mais en tout cas, je trouvais que c'était rendu un peu plus pub, là, si on peut dire, là, les chaque bonhomme, puis je trouvais ça moins bon. Mais au début, je trouvais ça super bon. Puis les films, OK, les films, on s'entend que c'est pas la grosse coche, t'as mais c'est peur, un bon souvenir là. De quand on était jeune. Oui. Puis, non, mais les trois, là, qui vont au Japon, ou je sais pas quoi, là, comment... c'est juste ça. Mais... T'es rendu où dans les comics? Là, je suis 10 ou 11e numéro, à peu près. Ben, ça, c'est quelque chose que je voulais dire aussi. Là, après, j'ai lu les comics. Mm-hmm. Premier comic, le numéro 1, c'est plate, spoilers, là, mais c'est le film du 1. Ouais. Carrément. Puis j'ai trouvé ça cool en même temps. J'ai fait comme, c'est comme si j'ai comme 62 autres à lire juste dans le volume 1. Mais le premier film, il s'est passé en suite le premier numéro. Fait qu'on est rendu, c'est comme je me dis, on est déjà rendu à d'autres choses. C'est différent de la guerre des étoiles qui te recycle comme, puis, ça s'est passé avant. Genre, là, <t'sais>, sac. un peu, dans un sens. Ouais. Là, ça s'est fait comme très vite, là, si on peut dire. Puis là, on t'est rendu à d'autres choses. Le numéro 2, 3, il y a Baxter Stockman. Tu commences à... Baxter Stockman, qui est le vrai Baxter Stockman. Qui n'est pas un portoricain qui devient une mouche. Le petit blanc roux qui devient la mouche. Mais là, il va-tu devenir une mouche? C'est un spoiler? Tu devrais continuer à lire. Ben, je continue à lire, là. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'est pas une mouche encore. Puis il y a ses petits mouseurs. Puis je trouvais plein de bonnes ressemblances puis de continuité aux séries animées que j'étais habitué. Fait que j'ai trouvé ça bon. Puis il y a le côté plus violent, si on peut dire. Tu sais, c'est... Ouais, mais Eastman and Laird, c'était ouais, mais c'était... Moi, tu sais, dans Ninja Turtles, j'ai jamais vu un Foot Clan se faire stabber par les épées à Leonardo. Mais où... t'as-tu vu le film qu'il avait fait, je pense c'est en 2009... Quand t'avais eu la nouvelle batch d'animé Ninja Turtle, puis il se promenait entre les dimensions parce que t'avais avec les extraterrestres. Non, moi, celle-là, je l'ai pas vu. J'ai vu celle avec les extraterrestres. Mais que t'avais fini les BD, écoute-le, parce que ce qui est cool, c'est qu'il se promène un peu dans des univers parallèles. Ah, mais j'ai entendu qu'il y a un mix de toutes les Turtles. Ben, c'est ça, c'est parce que c'est des univers parallèles. Puis un moment donné, il tombe dans la vision des Eastman and Laird, puis les Turtles sont en noir et blanc, c'est dark, puis ça, c'était cool, ça. Ouais, je vais checker ça. Mais justement, j'aimais le côté... noir et blanc. J'étais surpris parce qu'au début, je pensais que ça allait être en couleur. Puis là, je fais comme, oh shit, c'est en noir et blanc. Non, c'est vieux, là. C'est, Puis je trouve que le noir et blanc, après, il sort bien pareil dans un sens. Puis tu reconnais par leurs armes. Mais tu sais, du cassage de cou, du cassage de bras, du poignardage de Raphaël avec ses serres, là. C'est toutes des affaires qu'on s'est tous demandé un moment. En tout cas, moi, quand j'étais jeune, un moment donné, je me dis, OK, pourquoi qu'il y a deux épées, lui, puis qu'il n'a jamais coupé rien avec. Tu sais, à part une corde de temps en temps ou quelque chose, là, il kick la Foot Soldier. Là. Ouais. Il a jamais dit « Bon, gars, lui, je le stab. T'as deux épées, ça te donne quoi d'avoir ça? » C'est qu'on va dire, là. Raphaël, même affaire, les petits sailles, OK, il pitchait tout le temps pour pogner un piton d'ascenseur ou un lever qui réussissait à relever. Ou le perdre dans la rue, là. Ouais, aussi, là, tu sais, « Ah non, je l'ai plus, c'est pas grave, tu t'en sers pas pour stabber personne comme quelqu'un ferait normalement avec cette arme-là, tu sais. » Mais... Là, ils font. Tu sais, carrément, là, ils n'ont pas à tous les coups, là. C'est pas stab partout, là. Mais de temps en temps, t'envoies un plaque ou tu vois le crack à côté du bras ou il y en a un qui s'est fait casser le cou dans la dernière BD que j'ai lu, là, tu sais, Burner Turtle, mais... Mais ce qui est cool, c'est ça un peu, c'est le... Là, toi, t'es en train de vivre le début, tu sais, les comics, ouais, ben les choses comme ça. Puis c'est en même temps, il y a de la référence à ce que j'ai vu, fait que c'est cool pour ça, là. Mais ce qui va faire aussi qu'après ça, moi, ça a été un déclencheur, c'est quand j'ai lu les originaux, c'est après ça que tu remarques à faire tous les parallèles, tu sais, t'as eu le film d'animation 3D qui était sorti il y a une couple d'années, t'as les nouvelles séries à la télé, tu vois, t'as les originaux. Tu vois sur quelle partie que c'est inspiré dans un sens aussi. Tu sais, qu'est-ce que j'avais remarqué, moi, beaucoup, c'est que quand le film d'animation 3D est sorti il y a une couple d'années, eux autres, ils ont fait un peu, on va prendre ce qui est les BD originales, l'histoire avec Karai, tout le kit, puis on va prendre... les bandeaux de couleurs, le kawabunga, la pizza à tout passer, puis Michelangelo, cool le party kid, là, dude, là. Puis on va mixer ça ensemble, puis la BD, je vous le dis, là, aux gens qui nous écoutent, puis je l'avais suggéré à Winter dans le temps, puis je suis content que t'aies lu, là, présentement, je suis content que Winter New t'es convaincu. Allez lire ça va à peine, honnêtement, là, c'est de la bonne BD, puis ça vieillit peut-être mal, c'est pas super accessible au départ avec le hard style, mais ça, c'est attachant. Tu sais, j'ai aimé ça, l'art style même. Parce qu'il parle, tu sais, ça prend du temps, ça vieillit pas si bien que ça. Ça me fait penser à vraiment les, tu sais, des films, quand c'est un comic book indépendant, ça serait pas pour des gars comme Robert Crumb et Fritz the Cat, mais t'aurais pas des Teenage Mutant Ninja Turtles, des choses comme ça. C'est la même affaire un aussi, peu. Ouais. Il y a juste beaucoup moins de joints, de baise et de Hitler en tutu là, dans Ninja Turtles. Non, c'est sûr, mais en même temps, c'est gritty plus, c'est plus dark. Le noir et blanc, il donne un look, puis... Tu sais, une de mes amies, puis je mettais des petites photos sur Instagram, puis elle m'a fait me rendre compte, tu sais, elle connaissait plus ou moins ça, les Turtles, puis elle me dit, comment tu fais pour les reconnaître, pas de bandeau, tu sais. Elle a toujours reconnu à cause des couleurs, tu sais. Puis j'ai dit, ben moi, je reconnais à cause de leur arme, rendu là. J'étais tellement un fan quand j'étais petit que oui, tu sais, je les connais. Puis même là, je me suis dit, je pense que c'est toi qui m'a dit, à un certain point, quand c'est en couleur, tu les reconnais juste par le teint. Ouais, de leur couleur, parce qu'ils ont tous le bandeau rouge dans le fond, mais tu reconnais comme lui, il est plus pâle, puis... Mais fait divers, ces couleurs de bandeau, là, ces temps-ci, là, tu sais, je me promène, puis... Moi, je suis un truc de Ninja Turtle, fait que tu sais, quand j'étais avec ma blonde, on a fait tout le temps comme, « Hey, un Ninja Turtle, avis d'intérêt public au magasin, moi, j'aime Donatello. Celui avec le bandeau mauve puis le bâton, là. Moi aussi, c'était mon préféré. C'est le fun, chill, là. Il est cool, il est gadget, il est techno. Il a un humour un peu awkward. Je m'associe beaucoup Bronx, à lui. Brooklyn. Je m'associe beaucoup à lui à cause de l'accent de Bronx du Brooklyn. Non, mais c'est parce que tu vas dans un magasin, puis là, hey, ils ont des toutous cool Ninja Turtle. Ah, Raphaël Michelangelo. Hey, il y a des figurines cool de Raphaël Michelangelo. Puis là, j'étais chez Urban Outfitters, puis ils ont des décorations de sapin Noël Ninja Turtle. Raphaël, mais Michelangelo, Leonardo, mais t'as jamais fucking Donatello nulle part. Peut-être parce qu'il est partout, mais qu'il vend tellement. Ben, c'est peut-être parce ça, c'est le mais stockez-les, bâtard, personne ne les achète, les Raphaël et les Michelangelo. Excusez, je me suis vidé le cœur. Non, mais moi, avec, c'est mon préféré. Tu sais, j'aime bien Michelangelo parce qu'il est drôle et tout, mais j'aimais juste pas orange. C'est con à dire, mais je me dis... Ah, tu t'associais beaucoup plus au mauve. J'aimais plus la couleur mauve que l'orange, puis en même temps, comme tu dis, tu les gadgets, puis... T'sais, j'étais plus le gars qui gossait avec mes consoles. Moi, c'est les popsicles qui m'ont influencé quand j'étais jeune. Leonardo, il gossait à cause du leadership. J'étais comme, ta gueule. Trop de responsabilité pour un jeune, Leonardo. Arrête tu veux de pas dire ça. Quoi faire aux autres. Genre. C'est ça. Puis Raphaël, ben, il est bipolaire. Quoi. T'sais, il est cool un moment donné. L'autre jour, il est tout seul dehors à fixer le noir. T'sais, qu'est-ce mais que tu fais? Ce qui est cool avec ça, c'est que... T'sais, mais il représente bien les BD avec le côté. Mais ils ont besoin de persos comme ça dans une équipe. Mais ils sont quatre, tellement genre. Bien rédigés, ces personnages-là. Mais tu le vois beaucoup plus dans les BD, c'est ça, justement. Quand qui va. Raphaël, les... il passait quand même très bien des ouais, cartoons, mais il était encore fucké dans les cartoons. Il était plus fucké, mais quand tu check là, ils prennent le temps de dire qu'ils se mettent debout sur une grange à checker au loin toute la nuit, à se coucher plus tard que tout le monde, se lever plus de bonne heure que tout le monde. Puis que même là, dans la nuit, il se lève pour aller checker dehors. Juste y a-t-il une scène où il est sur le top d'une building puis il punch dans le vide pendant une demi-heure? Genre, ou... là, tu sais, des affaires. Pendant que le foot le regarde du building au bord de la rue. Casey Jones, ça, c'est une affaire que je me demandais. Ouais. C'est peut-être un spoilers, là, mais il arrive au coin numéro à peu près 4, là, genre, là, ou de quoi, là, sur 10 que j'ai lu, sur quoi, 100 au total, peut-être, là, ouais, et plus. Peu près. Fait que c'est pas un gros... Si tu tiens pas compte du volume 3 qui n'existe pas dans ma réalité, fuck you, Image Comics. Plus ou moins 100, là. Mais un money, il sort de nulle part, Casey Jones. Genre, la première fois que tu le vois, il arrive, là. Il sort de nulle part, puis il y en a un, c'est Raphaël, justement. Comme tout le monde est comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis Raphaël, il fait comme, hey, Casey Jones. Puis là, tu fais, ah, il doit le connaître. mais tu l'as jamais vu avant. C'est parce qu'il y a des short stories qui est en même temps aussi. C'est ça, ouais. Fait que c'est comme, c'est juste qu'il sort de nulle part, mais c'est drôle de voir comme pourquoi que lui le connaît puis que personne le connaît, tu sais. Ou... Mais tout ça pour dire que c'était super. En tout cas, moi j'aime bien ça, c'est old school. Puis il y a une affaire que je voulais faire un parallèle. En lisant les comics, je m'ai rendu compte d'une affaire. OK. Puis, tu sais, il parlait avec le nouveau film qu'ils sont en train de faire, puis que le monde capotait, là, « Ah, oh, c'est des extraterrestres », puis quelque chose de même. Mais, quand tu lis les comics, là, sans dire que c'est des extraterrestres qui viennent d'une autre planète directement, ben, ils ont été créés à partir du petit jus, là, qui est la gélatine. Là, t'es après spoiler là. Quelque chose solide, toi, là. De quoi que je spoil? C'est pas un spoil. Si tu t'en vas ou je m'en c'est vas? C'est le numéro 2. La météore? Là. Oh. Non, mais moi, c'était pas ça, là. En fait, la météore n'existe pas. Mais il y a un Bill... C'est pas dans TGM toujours 2 que t'as la météore? Dans le numéro 2, mal dire, là, parce que ça m'a choqué, là. Puis là, pas ça m'a choqué, mais j'ai fait comme, wow, dans le fond, le gars respectait vraiment l'histoire, peut-être, puis que le monde a capoté pour rien. Ben, Eastman, il approuvait l'histoire des aliens, me semble. Oui, mais c'est à cause... Je pense que ça a mal sorti. Un peu comme le marketing d'Xbox au E3, tu sais. Ben, en fait, ça a mal sorti, puis Eastman, c'est pas qu'il approuvait. C'est que il a lu le script puis il est venu retravailler le script par la suite, ouais. Parce qu'il a dit, regarde, où tu t'en vas là, c'est pas un hommage, c'est fortement inspiré d'eux, mais c'est n'importe quoi. Si tu fais ça, nous autres on allait à gauche là, toi tu t'en vas à droite puis tu roules bien vite puis il y a un mur à droite là. Tant qu'il y a un gros robot avec des boules qui pend par-dessus une pyramide à la fin, je suis bien content. Je fais une référence naturellement à Michael Bay pis ses Transformers, mais anyways. Mais non, mais en tout cas, je sais pas si je devrais le dire dans un sens, mais tout ça pour dire que tu sais assez vite dans les BD que la ouze que tout le monde parle, c'est un produit qui appartient à des gens d'extraterrestres, si on peut dire, puis que c'est eux autres qui fabriquent. Fait que là, je me dis, si ça a juste mal sorti le marketing ou le PR ou quelque chose, puis que qu'est-ce qu'ils voulaient dire, c'est ça, puis que dans le fond... Ouais, mais t'as une différence entre tromper puis dire... Leur origine est influencée d'aliens, puis de dire mot pour mot, parce que j'ai vu une vidéo où il en parlait, dire c'est des aliens from outer space. Ouais, c'est Michael Bay qui parlait de sa poudre. Michael Bay, c'est le gars quand même qui a travaillé sur le scénario. Mais on s'entend qu'il est en train de pitcher ça à tout le monde. Là, je veux dire, ben, c'est ça, mais tu sais, c'est parce que. Mettons Microsoft puis leur fiasco médiatique, c'est qu'ils tournaient autour du pot, puis je comprends très bien ce que tu veux dire, puis c'est vrai, à la limite. Pour Microsoft, c'est vrai. Non, parce qu'ils n'ont pas dit... Ce que je veux dire, c'est peut-être que ça aurait été bien correct, peut-être. Le film, tu sais, de qu'est-ce qu'il veut faire avec. Mais moi, je pense que, je pense que les résultats travaillés avec la rage des internets puis les réajustements d'Eastman, ça va juste faire mieux. Là. Mais, ça peut pas être... Bah, gars, ça a ramené Eastman puis l'aide dans le projet. Si enlève ce lien-là total, c'est ça que je veux dire, juste à cause de ça, c'est comme non, mais l'histoire originale fait que le produit vient quand même d'extraterrestres. Mais tu sais, d'un autre côté, juste regarde, à cause ça a été mal perçu, tu sais, comme... T'as pas lu les IDW encore, la nouvelle version? Non, je peux pas. Mais quand tu vas lire les IDW, tu vas comprendre un peu aussi pourquoi les vrais fans de Ninja Turtles... Faut que tu les lises après pour voir les différences. Puis c'est actualiser l'histoire. Puis tu vois, les fans de Turtles, dans le fond, pourquoi on était fâchés, puis je m'inclus dans le lot, parce que j'étais fâché. Oui, tu l'étais. J'étais vraiment fâché. C'est boycott. Que. Ben, boycott, ouais, à la limite, je m'aurais fait chier. Les références du Geek Collectif, c'était un des premiers chicanes qu'on avait sur. Mais tu vois, c'est que. IDW ont tellement fait un bon job d'actualiser l'histoire en respectant la tradition et l'original. Que quand tu vois l'autre clown, ça a pas qui arrive et qui fait OK, c'est des aliens de la. On parle de Michael Bay. Je parle pas du gars random qui se tient au coin de la 17e maçon. Là. Mais c'était juste bizarre. Puis c'est comme OK, t'as du monde qui sont capables de nos jours de respecter ça puis de l'actualiser. Puis t'as toi qui arrive puis tu craches dessus puis tu t'en sacs comme dans la 40. T'sais. Ça, c'était ordinaire. Mais c'est aussi un signe de l'époque qu'on est dedans. Le gars, il passe une entrevue, puis il mentionne une phrase, puis là, tout le monde crie au meurtre. Là. Je veux dire, on sait pas là, c'est quoi exactement qui se passe. Mais c'est la mauvaise façon de... C'est ça, c'est ça. Mais c'est ça l'affaire. C'est parce que comme maintenant, on est rendu à une époque où tout est... On regarde tout de proche analyser, tellement, puis on analyse tellement tout, qu'une phrase, ça chie partout. Ouais, là, mais c'est pour ça aussi que, mesdames et messieurs aux études, relationniste industriel, des gens en communication, des affaires de même, je vous annonce que vous manquerez probablement pas de job dans l'avenir. Non. Parce que, parce que c'est toutes juste... les compagnies qui veulent dire quelque chose, il y a toujours un dude qui va se planter, puis vous allez avoir au moins 6 personnes pour prendre sa place. Non, mais y a vous allez avoir de la job. Il y a peut-être 10 personnes en arrière du gars qui dit n'importe quoi, ouais. qui font des facepalms, c'est pas ça. Non, mais on s'entend, là. Dans le temps, t'avais le président qui avait son équipe qui monte son speech, puis tu vas aller dire tel mot veut dire ouais. telle chose, puis t'inquiète. À cette heure, c'est rendu, t'es un développeur de jeux vidéo, puis t'as la même équipe en arrière de toi, puis non, non, dis pas ça, puis oh boy, le monde va capoter sur Internet, tu sais. Ouais, c'est ouais. ça. Mais en gros, j'ai lu. T'as lu des Ninja Turtles. J'ai lu du Ninja Turtles, je suggère à tout le monde, puis joue un petit peu à Dead Rising 3. Parfait. Fait que c'est ça. Toi, Rick. Ah, c'est mon tour. C'est à ton tour. Turtles, je me garde toujours pour la fin. J'aime les Turtles, juste que j'ai jamais. Les comics, c'est. Non, ça va, perdre. J'aimais les cartoons quand j'étais kid. Là. Anyway, cela dit, moi, pas grand chose dans ma semaine. Il y a le. Faut que je fasse un shout-out à la gang au Nacho Libre, parce que merci pour la découverte, André. Parce comment que t'as rendu là, toi, là, à Star, hein? Dernièrement, mais je suis allé deux fois en un mois, qui est quand même beaucoup pour moi, pour un bar. Puis, mais cette place-là, j'adore. C'est quand même cette place-là. J'en ai parlé un peu plus tantôt aussi, parce que ça rapporte aussi dans... Là, t'as eu ton masque, là? Sais-tu quoi, je l'ai pas eu, mais je m'embarque pas là-dedans. J'ai prêté un masque, je suis arrivé assez de bonne heure, mais je vais pas chialer là-dessus. Mais c'était un hommage à Jean-Claude Van Damme. C'était écœurant, c'était super le fun. La bouffe au Nacho est malade. J'adore toute leur bouffe mexicaine. Shout out au Nacho Triforce. Je me suis commandé un Triforce. Nice. J'ai commandé une Laurentide. J'ai bu un Robocop avec mon chum. Attends, oh, t'as peu. À deux personnes, vous avez à vu deux, un Robocop? On a bu un Robocop, puis ça a été suivi par des Jaeger Bums, puis des Liquid Cocaine, puis tout le kit. Là. J'ai vraiment fait la ronde du fort. Là. On vous invite à aller voir le menu du Nacho Libre oui, pour comprendre c'est quoi un Robocop. C'est quoi un Robocop à deux, là. C'est, en tout cas, ça, le rye, ça, t'as du rye, t'as du Southern Comfort, t'as du whisky, mais t'as les trois. C'est toute la même style d'affaires qui te fucking rend fucké, là, mais en tout cas, faites ça. Puis à part ça, dans mes nouvelles, ben... Moi, il y a une chose qui ils ont annoncé le cast de Warcraft, le film. Ouais. Puis ça me fait triper un peu. T'as Duncan Jones qui réalise ça. Puis là, il parle un petit peu du staff que tu vas commencer à sortir. Ou... Ben, il y a Ben Foster qui va le headliner. Ben Foster, le gars de Vikings? Non, le gars. Le gars de Viking, ça, c'est Travis Fimmel. Le oui. Boy Meets World. Non, Ben Foster, c'est le gars de Six Feet Under. Ah, tu me fais penser à Topanga. Je mélange les deux. si t'as vu The Mechanic avec Jason Statham, Ben Foster, c'est l'autre gars. Ah, OK, ouais, c'est mais ça. Mais ça va être un des personnages principaux, ça a de l'air. Les rumeurs, ils circulent encore que peut-être Colin Farrell va apparaître là-dessus. Mais je pense que ça se peut. Que je le vois là-dedans, lui. Colin Farrell, moi, je le vois comme King Varian Wrynn, mais ça, c'est juste moi. Puis si tu connais Warcraft, tu sais de qui je parle. Fait que tu te rends compte qu'à toi, il nous l'a dit, c'était qui Varian Wrynn? En tout cas, Varian Wrynn, c'est le roi des humains puis le chef de l'Alliance, un peu. C'est ça. Mais Duncan Jones, je pense qu'il va faire de quoi d'écœurant avec ça. Puis en plus de ça aussi, ils ont annoncé que malheureusement, le film va être repoussé quand je vais avoir quasiment 40 ans. Ça me gosse un peu, ça, mais c'est... Est-ce que ça serait le plus gros hype slash viral ever, ça? Mais regarde, c'est parce qu'eux, ils avaient annoncé que c'était pour sortir à l'entour de la fin de 2015. La puis date exacte, je m'en rappelle encore. Pas. Mais ils ont... Sais-tu quoi? World of Warcraft, c'est big. Ça va être big. Ça célèbre sa 10e anniversaire comme World of Warcraft. Puis le lore, ça célèbre 20 ans en ah, plus. C'est débile, ça, là. Mais ils ont réalisé aussi que le film, la date qu'il avait annoncé, voilà une couple de mois, mais... Ils ont réalisé que c'était la même date qu'un autre série qui revient, Star Wars. Fait qu'ils se sont dit, sais-tu, on va repousser ça d'une couple de mois, on va pas se prendre contre la machine de Disney puis Star Wars, puis c'est Legendary qui font ça puis tout. Hein. Puis ça a été repoussé en 2016. Mais j'ai bien hâte de voir ça. Ça me fait bien, je suis bien excité. Tu penses qu'il va y avoir des classiques Warcraft line, là, tu sais, des Yes, me lord. Puis... Ouais. Mais donc, qu'est-ce qui est cool de Duncan Jones? Puis si vous connaissez pas, c'est lui qui a fait Moon, il a fait Source Code. Il est encore jeune comme réalisateur, mais il montre beaucoup de talent. Il a fait Weekend chez Bernie aussi, hein? Sûrement. Je sais pas si tu me niaises. C'est pas mais... de vrai. C'est non, de je viens de sortir. Mais Duncan Jones, c'est un joueur de WoW aussi. Il a un niveau 90. Il a joué. Puis là, il a pas grand choix de jouer, on s'entend. Ouais, il va jouer en crise. Lui, puis sa guilde de la NSC, là. Les autres, ils ont du fun. Ouais, ben, tu sais quoi? On va faire un petit parallèle, là. Ça a l'air que la NSA, ils nous observent jouer des jeux vidéo aussi maintenant, puis ils ont dévoilé ça. C'est cool, pareil. Moi, c'est cool. Sais-tu qu'est-ce que j'aime? Moi, j'aime que ça fait que World of Warcraft, il est sur The Daily Show, moi, pendant le milieu de la semaine. Moi, sais-tu ce que j'ai aimé de ça? La BD de Penny Arcade de ce matin. Je l'ai manqué, celle-là. T'as le buzz à NSA, il dit, puis, t'as-tu un rapport pour moi? Il dit, ben, les Murlocs sont sous contrôle. À Goldshire, il se passe telle affaire présentement. C'est ça. Tu sais, c'est comme, OK, t'as deux gars de la sécurité nationale qui sont là, puis qui jasent de... Ouais, j'ai fait telle affaire, puis on a eu un drop hier dans le raid. Pis... C'est quoi, il se rencontre à Goldshire, puis il allait dans la inn, puis il discute des plans terroristes, puis on check ça, je veux dire... Peut-être. Mais je sais pas si t'es déjà allé à Goldshire, surtout sur un serveur ARP, mais Goldshire, des fois, tu montes dans les inns, t'as des belles surprises. On en a déjà parlé dans le passé. La seule chat, je suis allé sur un serveur ARP d'un jeu MMO, là. Moi, je suis sur un serveur ARP, j'ai des chats écœurants, là. Ouais, c'est ça. Sire, how are thou? Puis de... Hey, excusez-moi, boys, le poulet est prêt, je reviens dans deux minutes. Ah, oh, t'as tout cassé non, à mais il y avait deux parenthèses quand il disait ça, André, quand même. Là, t'as le out of roleplay et t'as le in roleplay. Quand il parle out of roleplay, ils mettent les deux parenthèses sur le bord pour dire qu'ils sont pas dans le roleplay. Le mot-clé de ta phrase est il, car moi, sur un serveur roleplay, des parenthèses, j'en ai pas. Ah, parce que j'avais aucune fucking idée, moi. Moi, je me suis créé un bonhomme, je suis rentré là, puis. Let's go. Mais ouais, c'est ça, je vais pas trop rentrer dans l'affaire de la NSA. Moi, je m'en calisse un peu, là. Moi, je me sens complètement pas. Moi, je serais. Sais-tu qu'est-ce qui me rend... que je serais outré face à ça? C'est si je serais américain. Si j'étais américain, par contre. Tu l'es. Puis, mes taxes payent un dude. Parce qu'on s'entend à NSA, le salaire doit être quand même assez intéressant. Puis lui, ben, c'est comme. J'ai l'image du gars dans South Park, là. En arrière de son sofa. One that has no life. C'est ça, celui qui a pas. How do you kill one that has no life? Mais tu sais. Tes taxes payent ça, là. Mais le gars, il arrive à « How is work, dear? » Bah, pogné mon level 75, puis pas de taliban à Ironforge, mais... Moi, la joke que j'ai vue dans... J'ai vu une joke là, sur Reddit aujourd'hui qui m'a fait cramper sur ça. Puis c'est... Il y a le selfie d'Obama, là, ouais, au, l'affaire de... Le funérail. C'est ça, au funérail de... Mandela. Attends, il a pris un selfie au funérail? Ouais, mais il prend un selfie... Non, c'est une fille qui prend un selfie avec lui, puis là, c'est la joke... prime minister de la Suisse, genre, ou quelque chose de même. Belle blonde, puis t'as Michelle Obama à côté qui a de l'air en crise. Mais elle, en train de selfie... Puis là, après ça, les avantages du NSA, c'est que la fille a dit « Je t'envoie une copie », puis lui qui répond « Non, c'est correct, j'en ai une. » Il y a l'autre affaire qui est drôle ici avec cette photo-là. C'est lui qui est en train de nier Obama, qui niaise avec elle. Puis tu vois sa femme qui est en crise un peu. Ouais, ben puis c'est l'autre ça, là, photo, ouais. Après, c'est elle qui est assise entre Obama puis l'autre. Ouais. Puis Obama, il parle plus à la fille. Fait que il y a même une photo de d'échec, là. T'as même une photo de Michelle qui tient sa main sur la jambe de Clinton. Revenge. Mais en tout cas, ouais, c'est ça, là, mes nouvelles, c'est un peu ça. J'étais à une game d'hockey en plus samedi. Là, ça, c'est, ça va, je vais toujours aimer ça. Hier, on s'est fait planter. Là, ça, c'est une autre histoire. Mais la game d'hockey de samedi était écœurante. Là. La première période, c'était mort. Mais ce qui est cool à ce temps, en plus, quand tu fais une game de hockey, c'est que t'as un match de MMA inclus avec ton billet. Il y a pas eu de bataille quand moi, je suis allé. Ouais. Mais ça, c'est le hockey. Là. Je veux dire, il y a du hockey dans le MMA, je pense, d'après moi. Là, non, c'est plus qu'il y a du MMA dans le hockey à ce temps. Non. C'est qui le joueur j'ai vu au Nouvelle cette semaine? Mais il y a toujours du MMA dans le hockey, d'abord. C'est là que je vais sortir mes skills de gars qui connaît le minimum de hockey pour faire la conversation des fois. Là. Non, mais t'en as un qui a les refs étaient en train de séparer une bataille, puis t'en as un qui est arrivé, il l'a grippé par en arrière, puis il l'a gelé sur la glace. Là. Super sauvage et gratuit. J'ai regardé ça, j'ai fait Ouais, mais c'est le hockey. C'est un beau sport. C'est la seule affaire que j'aime du hockey. Ils démarquent leur place, là, ces combats. Tu peux pas laisser le gros pousser tes petits alentours, là. T'as jamais joué à la Psyche, à quand les teabags au hockey? Hein? Il y en a des teabags? Non, il y en a pas. Il y en a pas assez. Mais il y en a. C'est pas comme s'il y a des patins qui se font mettre ses gorges non plus, là. Je veux dire, il y a quand même un peu de respect. Il n'y a pas là, un coach, là, qui a eu un coup de patin, là, dernièrement. Ça, tu me. Attends, un coach avec un coup de patin. Ouais, il y a un coach qui a eu un coup de patin. J'ai vu ça aux nouvelles. J'ai pas lu parce que c'est du hockey, mais. Ben écoutez, au pire, on va laisser ça en soirée du podcast. Puis. qui font déjà une très bonne job avec le podcast d'hockey. Pour savoir c'est quel coach qui a mangé un coup de patin. Et si le teabag est legit aussi, on va tweeter la soirée du podcast. Des vidéos pour leur de ça. Ça, je voudrais voir, par exemple. Ouais, des vidéos de teabag. T'aimes ça, toi? Ouais. Puis une petite dernière chose aussi dans mes nouvelles, Jupiter Ascending. Si t'as pas vu le trailer pour ça de les siblings Wachowski. Oui, c'est vrai, on peut plus dire les brothers maintenant, Wachowski. C'est plus les Wachowski brothers, là, mais en tout cas, savoir qu'ils écrivent et ils réalisent à deux encore un sci-fi. Par écrire, est-ce que tu veux dire ils volent le scénario d'une pauvre employée qui travaille dans un diner? C'était une écrivaine, la fille de la matrice. Ah, ok, excusez. C'est un livre publié en plus. Ah, ok. Écrire, avec des guillemets pour ceux qui peuvent pas me voir. En tout cas, regarde, la matrice, là, c'est juste un n'importe quoi de tout ce qui est hot dans puis Jupiter Rising. Puis Jupiter Ascending. Ascending, pardon. Ça a l'air vraiment, vraiment, mais vraiment bon. Je pompais en crise pour ça. Ça, je sais même pas c'est quoi. Ouais, check le trailer pour. Il y a le trailer pour ça que j'ai vu. Puis aujourd'hui, j'ai tombé sur le trailer. J'ai oublié le titre m'échappe, là. Mais le nouveau film de Tom Cruise qui fait un autre film de sci-fi encore. Oh, ça puis Godzilla. Ça. Hey, je m'excuse, ouais, je fais ça film un peu, là. Mais... Salaud, je m'en allais en parler. Ok, excuse. Segway, c'est un segway. C'est un beau segway, mais. Non, mais Godzilla, effectivement, regarde. Puis on en avait parlé avec Mike Garceau, celle-là. Ouais, ouais. Puis lui, il était pas down avec le teaser trailer. Moi, je m'en rappelle être down avec le teaser trailer. Ouais. Puis là, ça paye, là. Le trailer. Paye solide. J'ai vu des commentaires. Il y a un segment sur Kotaku qui est cool. Ça s'appelle aussi. Ben, tu sais, dans le fond, c'est comme ce que les Japonais disent de notre version. Tu sais, c'est comme, mettons, il avait fait ça avec Pacific Rim. What are Japanese people saying about Pacific Rim? The Japanese people are saying, ils l'ont adoré. Japanese robot, esti. Ils sont en disant, fuck you. La seule affaire, ouais. Par exemple, c'est que les Japonais, quand ils ont vu le trailer de Godzilla, je m'en souviens des commentaires, c'était comme, pourquoi Ken Watanabe? Tu sais, c'est comme, lâchez-le, puis. Il est cool, Ken, man. C'est qui ça? Mais Ken... ben, attention, il est dans Godzilla? Apparemment. C'est cool, l'acteur. Ça. Donc, c'est quand même cool, l'acteur Ken Watanabe. T'as jamais vu The Last Samurai? Ben ouais, j'avais juste Inception. Pas son nom. Il est dans Inception. Non, j'ai pas aussi. Vu Inception. Il parle avec une grosse voix. C'est pour ça que je comprends pas le trois quarts des jokes de fun joué jeu, parce mais... que j'ai pas vu Inception. Oh, man. Continue. Mais Godzilla. Moi, la seule affaire de Godzilla, par exemple, c'est que je pensais m'avoir fait troller par YouTube. Parce que des fois, t'as du monde qui met des faux trailers faits par d'autres mondes. Puis là, je vois ça, hey, teaser trailer qui est sorti. Enfin, je peux voir le vrai trailer de Godzilla. Puis ça commence avec du monde dans un avion qui saute en parachute avec des flares. Est-ce que c'est hot? C'est super beau visuellement, mais d'un autre côté, tu descends dans le ciel vers un monstre qui peut t'avaler one on shot. On sait pas pourquoi encore non plus. Puis tu te mets un flare pour qu'il te voie, là. Sur la cheville. Mais il y a de quoi. Moi, j'espère que dans le film, c'est parce qu'ils veulent se faire manger qu'ils font ça. T'sais, ils ont, ouais. Ils ont une bombe nucléaire sur le dos chacun, puis ils font comme, faut qu'ils me mangent, parce que je vais le faire sauter de l'intérieur. Ils s'en vont explorer en dedans. Ben, c'est ça. Hey, c'est peut-être dans le fond, là. Comme le film avec Martin Inner Short. Inner Space, c'est ça. Avec Martin Short. C'est quoi le nom de l'acteur, là? Qui... Martin Short. Non, mais t'as Martin Short, mais le gars qui va dedans, Martin Short. Pas Martin Short aussi. Non, c'est, faudrait que je retrouve le nom. Il jouait dans Major League aussi, il faisait le catcher. Il jouait pas dans Major League. C'était pas le catcher dans Major League? Non, ça, si tu parles de... En tout cas, il se ressemble. Mais en tout cas, quel film qu'on Godzilla, parle. Le trailer, allez écouter ça, c'est écœurant. Moi, ça faisait longtemps que je voulais le voir, puis je suis vraiment content du rendu. Là. Ça a vraiment de l'allure, puis j'ai hâte de voir le film. C'est Puff Daddy qui fait un thème encore? Non. Cette fois-ci, c'est Taylor Swift. Oh! Mais ça sale soudainement. Taylor Swift featuring The Goat, bien sûr. Dennis Quaid, c'est pas moi. C'est Dennis Quaid qui rentre dans Martin Short. Puis toi, tu le mélanges avec Tom Berenger. Ok, vous êtes joué de sniper. Hey, Tom Berenger puis Dennis Quaid, là, donnez-nous votre opinion sur Facebook, sur Twitter. Là. Come on, là, ça ressemble. Là. C'est gars. Des frères séparés. Là. C'est le même. En passant, est-ce qu'on a déjà vu Tom Berenger au même endroit que Dennis Quaid? Tu penses que c'est moi, le Justice de même, là. Daft Punk? Là? Moi, je dis ça de même. Peut-être. Je dis ça de même. Mais non, cette semaine, trailer de Godzilla, travaillait un peu sur des petites choses. Puis Almost Human. Almost Human, regarde, je trippe solide Almost Human. C'est trop court, par exemple. Je trouve qu'il me donne pas assez de fixe. Ça serait une affaire de je prendrais. Ah, regarde, tu l'écoutes, ça passe super vite. Mais c'est fini, ça qui est. Puis... Mais c'est bon. De télévision, là. Ouais. C'est une demi-heure. C'est 47 minutes. Incluant les pauses publicitaires et les blablabla. Moi, c'est quelque chose que je trouve qu'on a perdu de la télévision. Ben des gens. Puis regarde, je trouve ça bien cool le binge-watch d'une série de 12 émissions de film. Mais il y a de quoi de magique d'un cliffhanger à la fin. Il y a de quoi de magique. De te faire garder à ta fin, puis ta fin, elle se rebâtit. Ouais, mais c'est la l'accessibilité, ça. C'est le fait qu'il faut que tu dédies ton jeudi soir toutes les semaines à 8h. Mais c'est-tu quoi? Puis j'aime ça, Si tu manques une fois, ça te fait chier à cause que si ça suit. C'est ça, la télé. Peut-être que je suis vieux jeu, là, mais. Non, mais j'étais à la même place que toi là-dessus. Toi, je comprends, toi, qu'est-ce que tu veux dire, mais tu sais, comment je peux dire ça? Si l'épisode. C'est pas super comme moi j'aime écouter les bobos là, genre j'écoutais ça là. Fait que ça me dérange pas d'en manquer un là. Ça suit pas. Tandis que si j'écoute exemple Walking Dead à tous les dimanches soirs à 9h, ben si une semaine que j'ai quelque chose puis que je suis pas chez nous puis que je le manque, ben là ça va me faire chier parce que tu sais c'est à ouais. toutes les semaines là, tu sais, fait qu'il faut que je le repogne, il faut que j'aille dans l'autre. On est trop gâtés maintenant. C'est ça, mais c'est ça l'affaire, fait que l'autre façon, tu peux l'écouter quand tu as le temps. Mais ça grosso modo là, ça me fait repogner le goût de la télé. Puis Almost Human, c'est yeah, moi c'est cool. Il y a du monde qui disait au début, tu sais, ah, je sais pas, je critique un peu. Lancez-vous dans Almost Human, moi, ça j'ai va entendu à peine, que là. Du bien. Ouais? C'est con, là, ben les posts là, que je vois passer du monde, là, les impressions là, sur Twitter ou de quoi. Regarde, ça réunit plein de bons concepts en même temps. C'est bien réalisé. Puis c'est cool parce que t'as un personnage là-dedans qui, selon moi, il mérite son pesant d'or. Ils ont comme tous des petits robots, parce que dans le fond, c'est dans le futur, la police s'est rendue super dangereuse de policiers. La technologie, elle a évolué à un rythme où c'est difficile de la restreindre, dans le fond. Il y a tellement de nouvelles tech, des choses comme ça. Fait que les policiers ont chacun un androïde pour les protéger qui est assigné. Fait que t'as pas un partner, t'as un androïde. Ils sont tous reliés ensemble, te quittes, mais t'as un rôle qui est sous-estimé là-dedans. Puis, c'est écœurant, OK? Puis c'est le gars, il y a un robot, une ligne de robots qui s'appelle les MX. C'est les standards. C'est maintenant. Les standards maintenant. Puis, t'as un modèle de MX, puis c'est le même c'est gars le même qui le fait. T'as un noir et un blanc. J'ai pas vu d'asiatique, par exemple. Mais t'as un noir et un blanc. Puis, c'est le même gars qui fait tout le temps les MX. Puis, c'est cool parce que, selon moi, c'est un bel hommage à Star Trek. Parce que le MX, c'est le red shirt de Almost Human. Parce qu'à chaque épisode, t'as un MX qui se fait éclater à la gueule, il explose. Tu sais, puis il y a tout le temps un MX non, qui crève, temps, c'est un beau running gag. De pas payer des figurants. Tu sais, c'est comme le même dude. Ben, c'est ça, puis je trouve ça cool parce que, tu sais, il aurait pu faire. Ah, OK, fais-moi un robot générique en CG, là, puis on embarque ça là-dedans, puis le kit. Non, c'est un gars. Fais-moi un data. Puis c'est ça qui est le fun, tu sais, puis. C'est minimaliste, c'est bien rendu. Les chars, ça me fait penser, mettons, à la Buckaroo Banzai. Tu sais, le char, c'était un genre, un Dodge Dart peinturé noir charcoal. Puis ils ont dit, ah, rajoute-moi une grille futuriste sur le bord, là. Ouais. Puis un cap de roue bizarre qui fait tout le pneu, là. Tu sais, c'est du futur actuel, bien fait. Ça, puis c'est con à dire, mais t'écoutes ça, t'as une ambiance un peu le remake de Total Recall avec le soundtrack du jeu de Deus Ex. Human okay. Revolution. Fait que tu mixes ça ensemble, ça te fait une belle ambiance, des choses comme ça. La musique, c'est une des choses que j'ai remarqué beaucoup dans le premier épisode. C'est écœurant, OK? Fait que Almost Human, si vous écoutez pas ça présentement, vous passez à côté de quelque chose. C'est accessible à pas mal tout le monde, qu'on aime la science-fiction ou pas. Moi, honnêtement, je trippe bien raide. Puis, ben, j'ai hâte de voir aussi le prochain épisode de Arrow. C'est aussi simple que ça. Faut que je dise qu'il y a un MX Antoine asiatique. Pour vrai? Ouais. Hey, je l'ai même pas remarqué. Je suis en train de checker ça en même temps, là, mais les trois, il y a trois MX-43, il y a un blanc, un asiatique puis un noir. Puis, tu vas sûrement le revoir. Là. Je vous le spoilerai pas, mais dans l'épisode, c'est l'épisode 5 de cette robot, semaine. Là, ah, moi je pensais que c'était un double bien ordinaire. Mais dans l'épisode de cette semaine, vous allez voir, il y a un petit running gag avec les MX que moi ça m'a bien fait rire. Puis quand vous allez tomber là-dessus, c'était vraiment drôle là, dans le fond. Là. Fait que je spoil pas rien et je me mords les doigts pour ne pas spoiler. Mais en gros, ça ressemblait à ça. Garde, cadeau de Noël, courir partout, travailler, oublier 40 millions d'affaires. Garde, c'est le bordel total. Dans le jus total. Dans le jus total. Bienvenue au retail, bienvenue à Noël. Et parlant de Noël, cette semaine, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, toute la gang? Avec le retour de la manette dorée, j'ai eu une idée pour l'épisode de Noël qui est différente un peu de nos concepts précédents, de notre concept précédent, c'est notre premier Noël. Mais on va faire une manette dorée inversée. C'est que d'habitude, nous autres, entre nous autres, on se donne des challenges. On se prête un livre, un film, un jeu plate, un film plate, tu m'as piégé, je te repiège, des choses comme ça. Quelque chose que là, tout le monde serait gagnant dans le fond, parce que dans le temps des fêtes, c'est sûr que là, on se retrouve en famille. On a des activités qu'on va faire avec nos proches, les gens qu'on aime, on se rassocie, on va manger, on va faire des choses comme ça. Mais des fois, on a un peu de temps à nous-mêmes aussi. Puis c'est un temps de se ressourcer, c'est un temps aussi de se changer les idées, parce que justement, ça paraît, t'as pas d'enfant, t'es brûlé. Ben regarde, du temps pour toi-même, mais le temps, t'es retambouré aux toilettes, puis quand on en porte. mais en gros, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va donner des suggestions aux auditeurs, puis on va en discuter un peu entre nous autres, mais tu sais, qu'est-ce qu'on fait pendant le temps des fêtes? J'ai 5 minutes là, à moi pendant le temps des fêtes. Là, pis... Ah, c'est pendant le temps des fêtes? Pas juste pendant le temps des fêtes. Quel, c'est mais... pas mal n'importe quand. Okay, mais ouais. C'est juste t'as du temps libre. C'est juste si t'as du temps libre. Fêtes, parce que t'en as qui prennent des vacances. Je sais pas comment vous faites, mais vous réussissez à prendre des vacances. Puis c'est cool. Puis quand on prend des vacances, ben c'est bon de se changer les idées, justement. André, c'est parce qu'il y a du monde qui sont pas dans les ventes au détail. Puis ça existe des vacances ben, au temps des fêtes, savais-tu ça? Moi, ouais, mais moi j'ai des vacances, mais ils sont tellement bourrés d'affaires de c'est famille ça. Que. Ah, parce que ouais, mais c'est parce que, gars, Eric, pas, des vacances le restant de l'année, une semaine dans le sud, ça c'est des vacances. Ouais. Quand tu ne travailles. Parce qu'il y a une différence entre avoir des vacances et ne pas travailler. Le ouais. temps des fêtes, tu ne travailles pas. Non. Mais c'est pas des vacances. Va-t'en chez ma tante pour faire un brunch. Après ça, va chez ton père pour faire ta affaire. Après ça, tu reçois à la maison pour souper. Après ça, tu t'en vas à la fête. Là, faut t'échanger des cadeaux. C'est le Boxing Day. C'est ta affaire. Tu cours d'un bar puis de l'autre. Puis j'ai même pas de kids. Fait qu'imagine Milter. Oh. Il y a encore moins de temps. C'est fou. Ouais, fait qu'il faut que tu le choisisses machine, comme hein. il faut ton temps. Moi, je veux savoir, là, première chose. Le premier sujet que je vous avais mis sur l'ordre du jour, mesdames et messieurs. En fait, messieurs. En famille, il y a quelque chose qui reprend un renouveau ces temps-ci. Puis. C'est jouer à des jeux. Oui. Là, on est en famille, on est tout seul, on peut jouer à des jeux vidéo, on peut jouer à des jeux de société. Moi, je veux savoir, qu'est-ce qu'on essaye pendant le temps des fêtes? Qu'est-ce qu'on fait pendant le temps des fêtes? Y a-t-il quelqu'un qui veut commencer? Moi, je vais commencer. Vas-y, Rick. Va dépenser une couple de piastres, c'est un 10 piastres, 15 piastres. Va t'acheter Zombie Dice, puis apporte ça chez ta famille. Merci encore Pierre-Luc pour la découverte. Pierre-Luc de Trois-Bières qui nous a fait jouer dans le. C'était un broadcast hein, qu'on avait joué avant l'enregistrement, pas de ouais. problème. Là. Mais moi, j'ai joué plein de fois depuis. J'adore ce jeu-là. Apporte-les chez vous. Revire-le en drinking game. Va avec tes amis dans un bar. Fais le perdant payer la bière, je sais pas. Gamble un peu avec des affaires fun comme ça. Mais Zombie Dice, là, c'est vraiment de quoi que moi je suggère n'importe qui à faire là, pendant le temps des fêtes. C'est vraiment cool. Là. Pour rester dans la même thématique que toi, dans le fond, avec les zombies, j'ai passé proche d'avoir une fuite financière en fin de semaine. Ah. Moi, il y a un autre jeu que je veux vous suggérer. C'est... Par contre, c'est peut-être un peu moins accessible que Zombie Dice. Zombie Dice, toute la famille peut jouer. Puis c'est accessible au prix aussi. C'est là, accessible au prix. Rien, quasiment, moi, dans le fond, finalement, on a les zombies en commun, mais je suis totalement à l'opposé. Moi, je vais parler de Zombicide. La saison 2. Zombicide, ils ont sorti là, en magasin. Les saisons 2 sont accessibles. J'ai la prison et le Toxic City Mall. J'ai passé proche de me ruiner. Ils sont chers, je pense, encore. Ben, Toxic City Mall, c'est à peu près dans les 100-120$. C'est ça, ouais. La prison, si je ne me trompe pas, c'est un 60-80$. Bon. Fait que pourquoi tu c'est des expansions. Warhammer, là? Tu dépenses l'argent que tu dépenses en non, Warhammer. Non. Ben, parce que Zombicide, tu peux jouer tout seul. Tu peux jouer en groupe. Puis... Le jeu, il est le fun. Ah ouais. Ça, on va faire c'est une game, nous cool. autres, puis on va le filmer, cool. puis on va faire un live stream de Zombicide. Ça fait longtemps que je le dis, là. Ouais, ouais. Mais après le temps des fêtes, ouais. on va le faire pour vrai. Puis à la limite, là, on fera peut-être un spécial boboche Joe Donnan là-dessus. On checkera. Mais Zombicide, achetez-vous le premier volet. C'est disponible partout. Puis là, il devrait pas avoir tant d'enjeux de stock que ça, parce qu'au départ, il était très difficile à se procurer. Maintenant, il commence à en produire. Puis c'est le fun. Mais ils arrêtent la 1, je pense. En fait, ils vont continuer à la produire quand même, mais en quantité un peu plus restreinte à ce moment-là. Mais présentement, il y en a dans le marché. Là. La majorité des magasins que j'ai vus, il y en a environ entre 2 à 3 copies. Là. Fait que, c'est sûr, 2 à 3 copies, c'est pas grand-chose, mais c'est en masse pour subvenir à la demande d'un podcast. Ouais, non, c'est sûr. Toi, Milter, on joue à quoi? Moi, c'est un jeu de société pour justement avec mes enfants, ils trouvent ça bien drôle, mais tu sais, il y a une stratégie aussi. Fait que tu peux jouer entre adultes, puis c'est un bon jeu pareil. Okay. Ça s'appelle, puis c'est drôle parce que j'haïs ça, là, mais Vie de chien. J'haïs les chiens, je suis pas un gars de chien, mais le jeu c'est Vie de chien. Puis c'est comme si tous les chiens, ils se promènent, puis en tout cas, c'est comme tu pisses à des places pour des territoires. Fait que ça, les enfants, ils trouvent ça drôle. Là. T'as peur, là. C'est... Ouais, tu fais pisser. Tu ramasses des pipis, puis tu fouilles des poubelles, puis tu te ramasses des clés, puis des enfants. Faut que tu ramasses des petits os, puis qu'ils ramènent à ta maison, mais là, tu peux bloquer des chemins à du monde, genre en pissant une place, parce que ça, c'est comme mon territoire, tu sais, des niaiseries de même. Mais ça, moi, mon kid, il tripait juste à cause de, j'ai pissé là, tu sais, genre des niaiseries. Fait que 0-7 ans, mais 22-30 ans. Non, mais c'est plus ans. Vieux, parce qu'il y a une stratégie, quand t'es tant adulte, nous autres, on jouait après, puis on était deux couples, là, puis il y a une stratégie de blocage de chemin. T'oublies que c'est un chien qui pisse, comme, là. Mais il y a les stratégies, tu gagnes parce que tu fais faire tout le tour Le tour du bloc. Le tour dans un sens, là, mais tout le tour du board du jeu au gars à cause que t'as fait tes pistes partout qui bloquent les chemins, des affaires de même, puis toi tu passes tout de rette. Pis... tout cas, c'est un petit jeu simple de stratégie, puis je suis le seul qui a pas de zombie dans son affaire, puis c'est louche, puis ouais, salle de chien. Je m'aurais attendu que c'est une sorte un zombie ou de quoi de même. Non, non, mais tu sais. Ouais, c'est ça, c'est nous deux qu'on a sorti des jeux oui, de zombies. Oui, moi, je pensais parce que j'ai des kids, fait que je me dis. Non, mais c'est bon, ça, parce que ça en prend pour les kids aussi. C'est sûr que dès qu'ils sont couchés, je chasse Zombicide n'importe quand, ou... Ça se fait encore, ça? Zombie pour les shooters. Mr. Bucket, tu peux-tu encore acheter ça? Il y a des affaires similaires. C'est celui qui avait l'annonce super malaisant qui disait « You put your balls in my mouth ». Il vomit des balles, là, genre, ouais, puis ouais. Ouais, ça existe encore. Ça existe encore, mais ça. Mais je jette pas ça parce que c'est fatigué. Ouais. Ça fait du bruit, puis ça fait des... Ça fuck tout. C'est encore un critère, puis ça, je me demandais ça, là, puis je fais d'hiver le show du coq à l'âne. Mais c'est encore un critère de dire « J'achète pas ça aux kids parce que c'est un jouet à batterie, mettons. » Ça dépend à quoi. OK. Quand c'est les tiens, tu y penses. Parce okay. que c'est moi qui va l'endurer. Quand tu donnes à quelqu'un, tu t'en sac. Moi, je remarque que le monde s'en sac puis qu'il me donne beaucoup de maudits jouets stupides comme une guitare qui fait du bruit ou une table qui fait du bruit sans arrêt. Genre, comment qu'une table peut faire du bruit? C'est une table à quatre côtés qui est comme un piano, toutes des affaires qui jouent de la musique. Oh puis, en tout cas, ça fait okay. bien du bruit. Excellent. Puis surtout quand il grimpe dessus à la place. C'est comme, en tout cas, pratique au bout. Zombicide, Zombie Dice et Vichier. Une vie de chien. Ça se détaille combien, ça, une vie de chien, à peu près, Je pense que c'est une 20-30 de piastres. 20-30 piastres? Ouais, Les games, ça a l'air de quoi? Moi, Zombicide, c'est à peu près dure, minimum 20 à 45 minutes une game. Une demi-heure. Une demi-heure? Minimum, là, ouais. Puis ça peut être chien si, tu sais, il y a du... C'est comme une game de trouble, tu sais, si t'enlèves... Ah, jouer au 8, mettons? Non, mais tu sais, t'enlèves le point tout le temps, le dernier point, puis t'enlèves le dernier point, tu sais, tout le temps des maudits, tu m'as mangé, tu fais jamais le tour ou quelque chose de même, là. Fait que ça peut être long si t'enlèves, tu sais, des niaiseries de même, là, mais en général, une demi-heure, 45 minutes, t'as fini. Zombie Dice, Rick, c'est quoi? Zombie Dice, ça dépend du monde. Ça peut durer 5 minutes, comme ça peut en durer 30. Okay. Dépendant combien de gens que t'as, mais c'est le genre de game là, tu passes, surtout que les gens comprennent comment ça se joue. C'est jamais qu'est-ce qui peut se passer aussi. C'est ça, là. Je veux dire, tu peux être mardeux puis tirer 10 points dans une shot des fois là, tu l'as vécu, je pense toi, la dernière fois qu'on a joué en ouais, plus. Tu brasses 4-5 coups, t'as toutes tes quoi, points. Ouais, 10 brains, c'est la première shot, voyons. Ouais, c'est ça, ça peut arriver. Mais tu peux toutes les perdre, c'est ce brain-là aussi, si quelqu'un t'influence ou tu décides d'être Zombie au greedy. Zombie Dice, c'est comme le casino. Tu sais, juste ouais, Zombie Dice, c'est... Il y a juste moins d'asiatiques. C'est Yachty, là, je sais pas comment expliquer. Je suis raciste. Mais avec l'expansion aussi, ça l'ajoute un peu, tu sais, t'as un wild card dedans aussi, là, parce que t'ajoutes des double brain, des choses comme ça. Le double shotgun, t'as Ouais. Mais ça peut durer très vite, comme ça peut durer très long. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que tout le monde y est dedans, là, des fois. Ouais, quand tout le monde s'embarque dedans, c'est super drôle. Quand il y a un drink en jeu. Ben c'est ça, puis tu drinks en plus, tu bois, au pire là, tu te mets une bouteille de Jaeger dans le milieu là, puis tu dis si tu marques toi. Ça c'est ça qui a le chevreuil dessus hein, le Jaeger, la boisson du mal. C'est la médecine hein, le Jaeger, oui. c'est médical. Oui, médicinal en tout cas là, en fait. Moi je le trouve là. Ben écoute, moi je vais m'abstenir de commentaires, le Jaeger c'est le diable. Le Jaeger, ben tu sais quoi des Jaeger bombs. Ça c'est pas ça du Red Bull pis du... My God, ça devait être illégal, ça. Je pense que ça l'est, ben, non? Ben non, c'est pas illégal. Je pense mais... que c'est légal d'un bar si c'est pas eux autres qui te le servent. Mais l'affaire avec le Jaeger Bomb... Ils peuvent te vendre un Jaeger. Puis si toi, t'es mélange, c'est ton problème. Mais c'est... Puis un Jaeger Bomb, mais t'as le verre de... C'est un uppercut, là, on s'entend, là. Ouais, ben t'as un verre avec un petit peu de Red Bull au fond, puis t'as le shot de Jaeger dedans, fait que techniquement, c'est pas mélangé. En c'est, plus, c'est toi c'est qui ça. Le mélange quand tu le bois, c'est là. Ça. En tout cas, ouais, tu te reviens à Zombie Dice en drinking game, c'est super le fun. Là. J'en doute même pas. Là, je vous fourvoie un petit peu. Je skip dans l'ordre du jour, parce que je veux garder certains sujets pour plus tard. Okay. Quoi faire? Y a-tu des activités qu'on fait? Y a-tu quelque chose qu'on fait pendant le temps des fêtes? Moi... On visite notre famille. Ok, à vous entendre, je vais y aller. Moi, il y a une affaire que je vais vous suggérer. 31 ans. J'ai 31 ans, mais il y a quelque chose qu'il faut que je fasse au moins une fois par année. Je suis un homme du 450. Je suis un homme de Laval. Et à Laval, il y a un centre de la nature. Et dans mon jeune temps, je me suis fait donner un 3-ski. Que t'aies 7 ans, 8 ans, un crazy carpet, des bottines, le postérieur d'une salopette... Faut-tu le glisser? Le temps des fêtes, je trouve, c'est fois. Cool aller glisser au moins une fois. Toi, t'as des ben kids, je t'ai envie dire, de faire ça parce que tu fais pas regarder bizarrement. Je vais à Saint-Jean à tous les ans. Ah, ça, c'est cool. Puis ça fait longtemps que je l'ai pas fait. On passe une journée d'un trip puis des affaires. C'est les enfants capotent. Et hey, puis ça va vite à Star, ça. Tu slides là-dedans puis ça rentre au poste. Ils sont rendus qu'il y a un côté, comment t'appelles ça, genre... C'est une décharge? Ben quasiment, là, tu sais, c'est comme des grosses trips à 5 personnes, toutes des genres de rafting, là, tu sais, si on peut. Je pense qu'ils appellent ça le rafting, dans le fond, puis c'est. Ben, tu vois, moi, je vais y aller, là, tu viens de me le vendre, là, c'est. Ouais. Mais faut, tu y vas en gang, parce que ces glissades-là, c'est, comme je te dis, là, des trips à 5 ou 8 personnes, là. Fait que là, moi, j'étais là avec deux enfants, fait que là, il y a comme une autre madame avec deux enfants, puis on s'assied, puis c'est, hey, salut, je te connais pas. Mais c'est cool de glisser, je trouve, puis c'est quelque chose, tu sais, puis on. Là, c'est sûr, tu sais, podcast geek, hein, ils ont même pas parlé de jeux vidéo. Puis... Écoute, on a parlé de télésérie tout à l'heure, là, c'était à toi d'écouter. Mais au pire, mais... joue à Winter Game Epic, ça fait de la luge. Ben ouais, fait de la luge. Mais va glisser, va dehors, profite-en de la neige. Ça a l'air con, du patin à glace. Ok, peut-être pas du patin à glace, là, mais va au moins glisser. Un crazy carpet, va au Dollarama, il y a des crazy carpets au Dollarama, puis ils sont bons en plus. Ouais, les poignées, ils pètent après one shot. Moi, tu vois, moi, ils sont tout le temps mauve ou rose. Ah ouais. Je n'ai jamais vu de bleu. Terrebonne de peut-être pour ça que le monde me regarde bizarrement, un homme de 31 ans qui a un crazy carpet rose. Ouais, j'avoue. Mais ça vaut la pièce. Mais faut pas prendre les soucoupes. Les soucoupes, les poignées, il y a comme un bout de plastique qui dépasse. Vous allez vous casser la gueule avec ça. Expérience qui parle. Certainement. So, amuse-toi, puis pogne-toi justement ton crazy carpet, puis apporte-le chez vous, mets-le sur une table. Cire-le. Mets du Crisco dessus. Mets du Crisco. Du Crisco. Ça doit rentrer au poste. Non, c'est de la cire. Hein? Tu peux les cirer aussi. On va perdre du monde là, avec vos idées. Là. Mais moi, j'ai été. Moi, en fait, j'ai été banni. Je peux plus, là, à ma grosseur. Là, je vais tuer des gens. Là. Après 75 mètres de descente, là, j'atteins la vitesse du son. C'est vous. On vient de perdre Eric. T'entends un gros. Moi, je suis là. T'entends le gros bang. Surtout dans le moment, si tu mets du Crisco partout. C'est trois skis et tout. Mais, je sais pas mais pourquoi, drôle. Mais... Non, mais c'est parce que c'est une drôle d'histoire. Là, deux années, j'étais chez nous. Shout out à Sturgeon Falls. Puis à la tour à eau. Mais il y avait une colline là, que tu pouvais glisser. Puis j'étais allé avec mes petits cousins. Ils étaient petits. Mes cousins voulaient toujours être sur le toboggan avec moi. Là, parce que Chris, qu'on finissait par aller vite. Ah, oh, mais glisser, honnêtement, là, tu sais, faites plaisir à votre enfant intérieur, là, sortez dehors, allez glisser. Tu sais, déjà quelqu'un qui a fait cool. Du GT sur une pente à ski. Vous avez déjà vu ça? Moi, c'est-tu faisable, ouais, ça? Fait souvent. Moi, non, mais j'arrête. Ouais? Ben oui, on montait, c'est où qu'on montait? Par Bromont. Combien de fractures ouvertes? Non, il ça doit être meurtre, ça doit être ça. Non, mais tu montes, tu pouvais monter la moitié de la pente, genre à pied, puis là tu redescendais en trois skis jusqu'à temps que tu te faisais sacré d'or. On parle de glissade, il y a un Noël que j'ai eu une couple d'années passées. Ben, une couple d'années passées, quand j'étais très jeune, j'ai une grosse boîte, j'avais super hâte de la recevoir, puis c'était un GT avec un compteur de vitesse dessus. What? Ouais, c'était un GT, il y avait un cap par-dessus, puis dessus, tu avais un compteur de vitesse. Puis on s'entend que quand je l'ai eu pour Noël... T'as pas gagné d'étiquette. Non, mais j'avais pas de montagne de proche. J'avais juste comme aller à l'extérieur, la petite montagne de neige qui était peut-être montée par le ramassage de neige. Mais je vais toujours me rappeler mettre ma sœur dessus puis la tirer dans la route pour lui dire « Pis, comment vite ça va? Pis, comment vite ça va? » Ah, moi, je descendais des monts avec ça. Pas moi, je me rappelle j'avais l'édition Brett Hall. Oh fuck! Il était pas blanc et bleu, genre? Non, il était tout noir. C'est vrai, Brett Hall, c'est GT. No mods. Oui, no mods. Pourquoi Brett Hall quand tu y penses? Blues de Saint-Louis. Ouais, mais c'est ça, mais. Il venait avec un poster de Brett Hall. Il y a trois skis. C'est un investissement, man. Il y a quelqu'un qui l'a approché, puis il a investi dans la compagnie. GT, c'était bien. Mais tu sais, les affaires weird des années 80, là. Il est même pas bleu et blanc, fait que ça a même pas rapport avec Saint-Louis. Non, il était juste noir. Il est noir. C'est un joueur d'hockey, puis c'est un trois skis. Il avait le GT adulte aussi, là, qui était plus long. Il avait le long nez. Puis il y en avait un qui ouais, était mais plus... les bancs chauffants l'annonce c'était pas pour tu le voyais comme breaker avec ses patins puis il disait que c'est comme le volant le ski non ça c'était Wayne Gretzky dans les annonces de Minute Maid non je sais plus je pense que c'était pour dire que ça coupait là, la neige puis que ça tournait comme des patins genre là. Oh, en tout cas mais ouais moi c'était glissé puis à la Saint ben toi t'as renchéré Saint-Jean-de-Mata Saint-Jean-de-Mata avec mes kids mais moi je joue tout le temps dehors dans le sens qu'on fait des bonhommes de neige puis des cassinoïs, mais tu sais, j'ai des enfants, moi, faut que j'ai pas le choix. Là. Ah, mais c'est cool. Mais même pas d'enfants, tu vois, moi, honnêtement, là, ça, c'est une affaire, là. Puis avoir des kids, je serais prêt à faire des pas enfants. Pas l'enfant, je jouais pas d'homme. Ah, c'est ça que j'ai essayé. C'est un peu ça, puis je vais pas assez. Là. Hey, c'est quand, dernière shot, j'ai fait un fort dans la neige? J'aurais de l'air fucké vraiment, lancer des boules de neige au char qui passe dans la rue. Ben, surtout qu'il y a pas grand neige cette année. Ils mais... vont sortir dehors, puis ils vont geler à la place de les dire à tes parents. Là, qu'est-ce que tu fais? Si, pitch la glace, mon hood. Tu sais, c'est. Sauf que, ben non, ben j'avoue, moi j'allais faire un peu de snow avant, puis tout, là, mais. Puis en passant, le snow, le GT de Brett Hall, il y avait un blanc avec son numéro dessus. Ouais. C'était l'édition. T'avais le numéro 66, 16 dessus. 16. Je pense que c'était ça. C'était Mario Lemieux, ça. T'sais. Oui, monsieur. Toi, tu connais ça, le hockey, ouais, toi? Le 80s hockey, je connais ça. Après, toi, moi, Eric, je m'achète un GT Snow Racer. C'est comme la hey, on fait ça cet hiver. On se pogne des GT, puis on va au centre de la nature, toute la gang ensemble. Man. My God. Comme je t'ai dit, je brise la barrière du son. Moi. Avec de la médecine. Par médecine, je veux dire du Jaeger. Oui, moi, je suis down. Complètement down. Ça. Puis trois pailles. Bon, quoi faire pour moi? Quoi faire pour toi, Eric? Écoute, j'étais un gros fan de mon quartier que j'habite dedans. Ma femme est 2-3 générations du quartier. Moi, j'adore vivre ici. Puis oui, j'habite à Hochelaga-Maisonneuve. Ah, tu dis pas Oma, toi? Ben, je pourrais dire... Je m'en crie si les gens disent Oma. Moi, je suis pas du genre à agir. Là. C'est Hochelag, pas Oma. Je m'en calisse, là. Moi, j'aime Hochelaga-Maisonneuve, par exemple, ici. Hein. Mais je vais pas chialer sur quelqu'un qui dit Oma, là. Ouais, mais c'est bien plus. C'est comme crier à quelqu'un qui dit c'est pas Soho, tabarnak, c'est Soho Lai, Hogboggin, whatever, que c'était à New York. Quoi? Non, mais c'est parce que c'est pas nouveau que les, ouais. les gens. Ouais. C'est comme moi, Terrebonne, je dis T-Bone. Bon, voilà. C'est comme, c'est bad. C'est comme moi, Laval, je dis Laval. Ouais. Fait que moi, ma suggestion pendant le temps des fêtes ou les gens qui habitent pas le quartier, moi, je suggère de venir faire la promenade Ontario. À partir de Pineuf, tu peux aller un petit peu vers l'ouest, vers l'est du Pineuf, va pas trop loin. S'il y a un pont de trac à train, retourne de bord. Mais avant ça, tant que tu es dans la barrière de la promenade Ontario, t'es safe. Tu vas peut-être voir des putes un peu plus loin, mais ça, c'est ça. Ignore ça. C'est un autre marché. Mais la promenade Ontario, moi, je suggère à des gens à venir ici pendant Noël. Il y a toujours de la belle musique qui joue. Avec des haut-parleurs partout là, puis c'est de la musique de Noël, c'est pas du jazz weird comme ça sur le plateau à Mont-Royal. Mais moi je suggère de faire ça, viens faire un tour, va magasine, fais un tour au bric-à-brac, va t'acheter des petits gâteaux au aroma, va t'acheter un grill cheese au aroma, je sais pas. Une bière de Noël au biérologue. Bière de Noël au biérologue avec va dire allô à Olivier. J'avoue que ça c'est cool, tu veux. Va au marché Maisonneuve, visite le quartier, c'est un quartier à découvrir que bien des gens commencent à le savoir. Viens faire un tour à Place Valois, il y a des événements de Noël à chaque fin de semaine à Place Valois. T'as la station Pineuf qui est vraiment pas trop loin, t'as le village de Noël dans l'esplanade. Côté du stade. Là. Juste en haut, à côté du stade, juste en haut, t'as le parc Maisonneuve, t'as plein d'activités qui se passent pour le temps des fêtes là-bas aussi. Mais moi, ma suggestion vraiment à chose à faire, c'est vraiment de va contre tous les préjugés qu'il y a du quartier, puis viens découvrir de quoi que ça vient vraiment cool là, à Hochelaga-Maisonneuve. Faut prendre une bière au Monsieur Smith. Mange une poutine à pataterie, puis après ça, va faire un tour au Canaille à côté. Je veux dire, combien de places que tu peux avoir de la fine cuisine française avec un roteux après? Moi, j'adore cette place-ci, puis je suggère de le faire. Puis la promenade Ontario, c'est super beau aussi. Là. Ils ont vraiment... Ouais, ça c'est incliné. Très beau bien t'acheter une des meilleures bavettes au monde là, qui est vieillie 30 jours. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font à leurs bavettes, mais est-ce qu'ils sont bonnes? Tu veux pas le savoir. Moi, je veux faire un shout-out. Eric, t'as parlé de musique de Noël. Je veux faire un shout-out aux Joaliers qui ont sorti leur tune de Noël aujourd'hui. Le clip est disponible sur YouTube. C'est quoi? C'est Rock'n'Roll de Noël? Je connais la personne qui a créé l'intention de cette chanson. Écoute, c'est les Joaliers à chaque fois. J'adore les Joaliers. J'adore les Joaliers pour le shock value surtout. Tu fais jouer ça à quelqu'un, puis eux autres sont sûrs que c'est une vraie toune. Puis à un moment donné, quand ils portent attention aux paroles, ils font comme « What the boy, ça vient de déraper, là. » Ils ont une toune de Noël, fait que les Joaliers, c'est quoi, Rock'n'Roll de Noël, je pense. Chose de même, là, ouais. Puis allez voir ça sur YouTube, puis blâmez-moi après et injurez-moi via Twitter. Ça vaut la peine. En tout cas, moi, c'est ça ma suggestion à faire, là. L'espace public, de la bière. Je sais pas comment dire. Fait qu'en gros, là, regarde, sortez de chez vous. Ça quand il y a une petite vous, neige, ils vendent pas, là. Allez vous promener. Venez voir Eric à Hochelaga. Écoutez, il n'y a pas de problème, là. C'est beau quartier. Allez glisser avec un trois ski. Moi, je veux faire de quoi? On va essayer de quoi? C'est à Laval, personne va venir, mais c'est pas grave, on va le faire pareil. Notre affaire d'aller glisser avec des trois skis, là. Je pense qu'on va créer un event de podcast, puis inviter le monde à venir glisser avec nous autres. Il va avoir de la médecine? Ben, nous autres, on va en avoir de la médecine. Il va avoir du monde. Parce qu'on n'a pas le droit d'amener d'alcool, mais tes médicaments, t'as le droit de les traîner, par exemple. Puis ça, ben, y a personne qui peut t'interdire pas de traîner des médicaments. T'as-tu la bouteille de Jaeger, hein? Ça se fit dans une poche, ça. OK, fait que... Y aurait pas d'alcool, en passant. Y aura pas d'alcool, parce qu'on s'engage pas avec ça. Wink, wink. Mais non, hey, je pense qu'on va essayer de faire ça. On va inviter le monde à venir glisser avec nous autres. On pognera une journée, puis ça serait puissant, ça. Puis comme toutes les choses qu'on aime faire, même si c'est juste nous trois, on s'en casse. À la limite, on va être trois avec un GT, puis on va glisser, puis on va avoir du fun pareil. Fait que... Venez pas, on aimerait ça que vous soyez là, mais sinon, on s'en va glisser. On checkera ça, mais sortez dehors, allez vous promener, allez voir le quartier, allez glisser. Hey, dans le vieux port aussi, c'est pas pire. Ah non, mais regarde, je vais pas m'attaquer au vieux port. Là. Moi, je vais juste suggérer de venir à Schlager. Ah ouais, regarde. Même le vieux Terrebonne, il est bourré d'activités. Ah, il y a le vieux Laval. C'est vieux tout. Dès qu'il y a un vieux quelque chose, il va y avoir des activités de Noël. Là. Moi, je parle d'Ontario, de la promenade d'Ontario, puis j'espère que dans notre annonce de la semaine pour le show, il y a au moins la pancarte de la promenade d'Ontario que je trouve épique. Je vais checker ça. Mais t'as Sainte-Catherine aussi. En tout cas, je vais pas être plus loin, mais c'est ça. Sortez, comment dire. Notre infographe de fortune devrait pouvoir t'arranger ça. C'est Hamilton? Ouais. La promenade d'Ontario. Moi, j'ai toujours trouvé ça ironique. Je viens de l'Ontario, j'ai déménagé à la seule place dans tout le Québec qui sont très fiers de s'appeler la promenade d'Ontario. Et c'est tellement ironique là, pour Hochelaga d'avoir la rue Ontario, la promenade d'Ontario. Non, ce qui est ironique, c'est ton Wi-Fi qui s'appelle Go Canada Go en plein milieu d'Hochelaga. C'est quoi, je vais aller plus ironique que ça. Moi, je viens de j'ai été élevé beaucoup à Vanier, à Ottawa. La rue principale à Vanier, tu sais quoi? Non. Le chemin Montréal. Nice. Tu vois, c'est juste un échange de services, là. C'est ça. C'est ça, un échange. Là, qu'est-ce qu'on regarde à Noël? Qu'est-ce qu'on regarde pendant le temps des fêtes? Faut pas que je dise Noël, Noël. Qu'est-ce qu'on regarde en film ou en télé? Là, parce qu'on a film, télé, cinéma. Lâchez-vous là. Qu'est-ce qu'on écoute? On les jume les deux. On peut jumeler tout. En fait, là, je veux juste que tu nous dises qu'est-ce que tu veux que le monde écoute. Saturday Night Live. Fuck yeah. Saturday Night Live, on écoute ça. Il y a un spécial de Noël. À chaque fois que Justin Timberlake est là, c'est toujours des bons shows. Mais oui. Puis c'est hosté par Jimmy Fallon. Non, c'est Jimmy Fallon. Okay, okay, c'est ça qui est magique, c'est que t'as Jimmy Fallon qui le host. Puis il est là, ouais. Puis t'as Justin Timberlake comme artiste musique. Mais je te garantis que tu vas avoir tout le monde va être là. Sandberg va faire un caméo, je suis sûr. Sandberg, sais-tu quoi? Mais c'est ça, justement, c'est un bon call que tu fais. Là. Il y a des très bonnes chances qu'on ait les Dick in the Box Boys qui apparaissent. Oui, c'est clair. Il y a plein de choses comme ça qui est possible. Puis ça, c'est quand ça vient au show de télé. Moi, j'étais un fan de Saturday Night Live depuis que j'étais un enfant. J'adore ça. Puis le temps des fêtes, c'est toujours bon. Puis ça va être un bon show, je vous l'assure. Fait que pogne-toi une coupe de bière, un petit chocolat chaud avec ta femme ou avec tes amis, ou fais comme moi, invite tes amis ici, puis saute une brosse en regardant Saturday Night Live, mais c'est quelque chose que je suggère fortement à faire. Ça va être un asti de bon show, ça, là. Ouais. Le genre de spécial que j'aime bien. Mais ces spéciales-là sont toujours bons, là, comme je te dis. Toi, Jimmy Fallon, il est en feu. Milton? Moi, j'aime bien des spéciaux de Noël, un peu. Un de mes préférés, c'est con à dire, parce que j'haïs la politique, mais c'est Infoman. Ouais, il est bon. J'adore écouter Infoman parce que c'est comme la même un peu vision de la politique que j'ai, genre, là, c'est ridicule, c'est niaiseux, puis il aime ça, sortir les petits segments vidéo qui ont l'air d'une gang de morons. Ça fait longtemps qu'il roule, lui. Puis, ouais, j'en ai dû faire, c'est comme 10 ans, là, mais son, et plus même, là, mais son genre de bye-bye recap de l'année qui joue juste avant le bye-bye, je trouve ça tout le temps meilleur. Que le bye-bye, justement. Mais les bye-bye sont bons. Moi, j'ai aimé les bye-bye. Moi, je les aime pas les derniers. Le Louis Morissette. Mais moi, j'aime Louis Morissette. Ben, tu n'aimes pas Louis Morissette? Bon, come on. C'est le Cathy Gauthier masculin de l'humour. C'est le Cathy Gauthier masculin de l'humour. Hey, bon, ben, laissez-nous savoir. Louis Morissette ou Cathy Gauthier? Louis Morissette, hands down. Non, on va régler ça, là. En fait, ils vont arrêter de s'assiner après. Il y a pas eu un Twitter fight, lui, dernièrement, avec quelqu'un du Far Louis Web. Louis Morissette. Avec Gabrois, là. Ouais, Gabrois puis Louis Morissette. Avec l'affaire de Gabrois puis tout, là. Il essayait de se tourner. Moi, en passant, l'affaire de Gabrois m'a passé par sa tête. Je savais même pas qu'il embarquait sur tout le monde en bas. J'ai vu les réactions après. Pas grave, ça. C'est pas l'équivalent de ça là, c'est mais sinon, Louis Morissette s'est servi de Gabrois pour augmenter ben son oui, clout ben oui hey. Moi j'ai dit ça de même. Je dis Chris ouais. By the way, Louis Morissette, il a un clout. Il est à combien? Il est-tu plus fort que Milton? Je parlais à lui parce que je me dis qu'il nous écoute. Puis je parlais à lui directement, ouais, Monsieur Morissette. J'ai dit, il y a une affaire qui s'appelle Clout. Salut Louis. Vous devez vérifier ça. Milter, il aime bien ça. Puis il est plus populaire que Québec solidaire. J'ai dit ça de même. Oui. Fait que, dans le fond, Infoman. Mon autre affaire, c'est pas de cette année nécessairement. Puis c'est pas sûrement pas une découverte. Mais c'est le projet d'un gars que je connais. C'est Jonathan Roberge chez Fiston. Ouais. Tout le monde a vu Fiston, les. Il a fini avec 80 épisodes. Puis c'est toujours bon, là. C'est Jonathan, un des gars de contrat de gars dans le temps. C'est vrai que si vous n'avez pas vu Fiston, il y en a une bonne batch pour la peine d'écouter. C'est super bon. Que t'ailles des enfants ou que t'en ailles pas, c'est très drôle. Là. C'est sur MSN Vidéo. C'est bizarre. Je pense que c'est le seul vidéo que j'avais checké sur MSN Vidéo. C'est un des, pas un des seuls qui vaut la peine, mais c'est un de ceux qui est sorti viral un peu, si on peut dire vraiment. Puis à tous les épisodes, il y a, me semble, il y a sur MSN Vidéo aussi, j'ai oublié le nom, Colin Gerblanc, mais il y a l'émission de Gabriel de Trois-Bières, là. Gabriel Caron. Ouais, j'oublie son nom, je regarde des fois. Ouais. Mais en tout cas, excuse-moi Gabriel, puis je vais plugger ton nom d'émission là en tweet, mais j'ai oublié c'est quoi là, c'est il est là-dessus aussi cette vidéo. Mais celle en tout cas Fiston, j'ai toujours bien aimé, puis Jonathan tout ce qu'il fait c'est toujours drôle, c'est toujours bon ça. Puis c'est ça. Moi, j'ai une tradition, vous allez peut-être rire de moi un peu, mais c'est un classique de jeunesse, puis vous allez dire voyons, ça n'a pas de sens. Moi, il y a une affaire qu'à chaque année, puis ça va fitter un peu avec le segway que je m'apprête à faire, mais tu sais, nos traditions, chacun des collaborateurs, mais moi, il y avait une tradition, c'est qu'à chaque année, dans le temps des fêtes, il faut que j'écoute Ghostbusters. Oui, un classique. Parce que à chaque année, pendant le temps des fêtes, TVA faisait jouer Ghostbusters. Puis c'est le genre de film que je passais tout le temps dans le salon, puis t'avais mon père, puis il faisait « Hey gars, check qu'est-ce qu'il joue, viens voir. » Puis finalement, tu te retrouves que tu sais pas pourquoi, c'est pas l'Halloween, mais t'es assis dans ton salon, il neige dehors, puis t'écoutes Ghostbusters, puis tu ris parce que c'est drôle, puis c'est un des seuls films que je suis habitué d'écouter en français versus en anglais, parce que j'ai été élevé avec la traduction. Puis Ghostbusters, c'est comme une de mes traditions du temps des fêtes. Faut que j'écoute c'est ça. C'est pas le 2 qui est à Noël? Oui. Ouais, c'est pour ça que c'est encore Noël, plus weird que j'écoute le premier. Mais souvent, ils vont faire un marathon Ghostbusters TVA aussi. Ben, ils mettent les deux. Là, pas j'ai encore un VHS là, à l'appui là, où c'est le cinéma du temps des fêtes. Puis là, c'est comme t'es Ghostbusters. Ça n'a aucun rapport. Fêtes, puis, Ouais, mais il y a des films de même qui mettent dans le temps de Noël comme Gremlin. C'est un excellent film de Noël. C'est un film de Noël là, quand tu y penses. Là. Puis Die Hard aussi, mais Die Hard c'est un peu plus évident là, dans un sens. Là, mais Die Hard 2, Noël. Ah, sont toutes Noël. Sont toutes à Noël. Les deux premiers. Pas le 3, mais les deux premiers c'est Noël comme faux. Là. Mais, le premier c'est un party de bureau. Le deuxième c'est Noël à l'aéroport. Oui, c'est très vrai. Fuck. Hey, ok, bon, on va faire. Je réécoute des Die Hard. C'est mes films de Noël préférés. C'est bien plus que. Tu sais, j'ai vu Elf la semaine passée. Là. Il est drôle avec Will Ferrell. Là. Quand il traite le nain d'elfe pendant 5 minutes. Pendant qu'on jase, Eric, check donc, Anchorman 2, c'est quand ça sort? Ça doit approcher, ça, me semble. Hein? Dans une semaine. Ouais. Allez voir Anchorman 2, justement. Je follow un des newscasters. Ron Burgundy? Non, un des moins connus, mais il est tellement misogyne puis raciste dans ses tweets. C'est drôle, mais tu sais, c'est comme subtil. Là, puis à tous les fois, je suis comme, fuck, il écrit ça, genre, c'est... Moi, il y a un autre affaire aussi, puis pendant le temps des fêtes, Eric, t'as parlé de binge-watching tantôt, là. Moi, il y a... Le temps des fêtes, prenez-vous au moins une journée de binge-watching. Il n'y a rien de mieux que de s'écraser qu'un jogging avec des taches de peinture ou des trous et ou des trous et une tache de peinture. Les deux. Dans un sofa, avec une petite frette, on parle à TV, puis on écoute une batch de télésérie. Une au menu... frette avant midi. Dude, t'es en vacances. Ça, en fait, t'es en non-travail parce que c'est pas des vacances. Tu vois pas le temps. Il est 8h quelque part. Là. Ouais. Fait que tu t'ouvres une petite frette, t'ouvres ta TV, puis je vous suggère d'écouter, premièrement, Almost Human, on revient là-dessus. Ouais. Suits. Ah, j'ai écouté la première, puis j'ai bien aimé. Là. Suits, c'est disponible, je pense qu'ils l'ont eu, c'est sur Addict que ça joue. Il l'a sur Netflix, il l'a dans les superclubs Vidéotron. Il l'a pas mal partout, vous pouvez vous louer vos trucs. Mais à ce moment-là, l'important, c'est de pogner vos téléséries puis c'est de faire un binge-watching. Parce que ce qui est cool, c'est justement le fait de « je me lève pas, là ». Tu sais, ouais. Je me lève, puis le sofa, il y a mon empreinte de postérieur. J'étais vaché, j'ai passé l'avant-midi, puis j'ai écouté ça. Puis finalement, je suis plus trop sûr, il est-tu 3h l'après-midi ou il est 3h dans la nuit? Parce que il fait noir dehors, là. Ça, là, binge-watching à son meilleur. Tu sais quoi que j'ai fait ça la dernière fois, il y a pas trop longtemps? Avec quoi? Arrested Development. Ça, c'est j'ai dit, malade. Je me tape à partir de la première saison pour le fun. Puis je restais assis comme pendant 3h30. Puis j'ai fait tabac. Ouais, sais-tu qu'est-ce que je viens de flasher? Puis c'est random. Puis je pense que je vais me claquer pendant le temps des fêtes. Un marathon de Police Academy. C'est classique, ça. J'adore les Police Academy. J'ai fait les deux premiers il n'y a pas longtemps. On s'entend, là. Tu sais, ça, c'est une autre affaire. C'est un film de TVA d'après-midi ou de TQS dans le temps. Là, le knock, bouton knock. Noir. Knock, le knock. V. Who's there? Steve Guttenberg who? That's Hollywood. C'est son seul film. Même là, il est-tu dans le 8? Y a-tu un 8 dans ces Russia? Oui, il y a eu un 8. Non, le 7, c'était à Moscou. Il est dans tout. Steve Guttenberg, il est dans toutes les Police Academy. Mais non, Marathon de Police Academy, je pense. Mais en gros, regarde, écoutez vos affaires qui vont vous rappeler des souvenirs de jeunesse. Moi, je reviens beaucoup là-dessus, mais le temps des fêtes, le inner child puis la nostalgie. On parle-tu de film de Noël un peu? Tu peux parler de film de Noël. C'est quoi un de tes films de Noël préférés? Moi, c'est Ghostbusters, mon film de Noël. Fait que je suis fucké. Non, mais si on y va. Attends, il y en a un autre, dis-le. Il y en a un autre. Moi, je veux. Parce c'est quoi? Qu'il y a hardcore Noël, vrai Noël, là, tu sais. Non, mais il y a des films de Noël aussi que tu oublies que c'est des films de Noël. Le Sapin des Boules. Moi aussi. Hein? Okay. Sapin des Boules. Chevy Chase. Man. Okay. Christmas Vacation. National Lampoon, Christmas Vacation. Moi, c'est Scrooge avec Bill Murray. Ah, c'était bon, ça. Mais ça, c'est mon film vrai Noël que j'ai un petit chaud au cœur en même temps que je l'écoute, que je trouve ça bon. Mais sinon, Gremlin. Moi, j'en ai deux. Vas-y. Batman Returns. Ouais. Que tout le monde oublie que c'est un film de Christopher Noël. Christopher Walken. Les méchants qui sortent de l'arbre de Noël, ben qui ouais, l'allument, puis la fille qui tombe. Là, de, ah, c'était ça. Bon, ça. Puis Go. Je sais pas si vous vous rappelez de Go avec Sarah Pauli. Oh. Go. Go. Non, je m'en rappelle pas, même. Ok, mais en tout cas, Go, excellent film. Film de drogue, un peu, là. Go Party, c'était comme trois histoires qui s'interfilent. Ah, ouais, oh, ouais. Wow. C'est Sarah Pauli dedans. Pour le monde, moi, je l'ai pas lu, mais j'ai su la découverte de ça il y a même pas une semaine, dans le fond. Puis là, ça m'a donné le goût en même temps. Il y a un Batman qui s'appelle Batman Noël, me semble, ou quelque chose de même. C'est puis il Batman paraît que c'est. Returns. Non, non, là, un BD, un graphic novel, là, si on peut dire. Puis je veux le voir, là, je veux le lire dans le fond. Là, puis c'est, il paraît que c'est Dark Noël de Batman un peu. Là. Fait que, ben, là, okay. Ça me donne le goût. Sinon, sur YouTube... Paraît que tu peux jouer le soup de Noël de Batman dans Arkham City ou quelque chose. Ah, fuck nice. Tu peux acheter son soup de Noël. Sinon, sur YouTube, parce que vous le trouverez probablement nulle part. Puis si, à la limite, il a peut-être été fait en DVD. Fait que je m'excuse, s'il est fait en DVD, ben achetez-le parce que ça vaut la peine. Le spécial de Noël de la Guerre des Étoiles. Ah oui. Wow. Vous voulez du malaise, puis vous demandez... En fait, vous voulez me maudire pendant votre sommeil, pendant non, une semaine mieux. De temps. Là. Vous voulez accuser Disney d'être des milquages de Star Wars? Sorry. C'était incroyable. Ça, là, honnêtement, le Christmas special de Star Wars, on va le mettre sur la page du collectif. Là, on va le mettre sur Twitter aussi, parce qu'on ne veut pas dénigrer un média social. Mais écoutez ça, c'est du malaise en canne. C'est génial. Vous allez voir... comment on peut exploiter une franchise à son meilleur ou à son pire? Star Wars, là, en tout cas, moi, ça me fait rire, là, les gens qui oublient comment c'est exploité bien avant ça. Ça a toujours été exploité. Home Alone. Home Alone, c'est vrai. Home Alone, il faut que tout le monde... Moi, je trouve que c'est un excellent... Maman, j'ai raté l'avion, excuse-moi, ouais, excuse-moi. Maman, j'ai raté l'avion. Non, mais tu peux être Home Alone, c'est pas grave, on ne discrimine personne. J'ai remarqué ici au Québec, par exemple, un de mes all-time films de Noël, c'est Christmas Story. Puis ça, ça a l'air que les gens, ils ont jamais trippé là-dessus. C'est pas Miracle. Non, ça, c'est Miracle. C'est pas le petit gars qui reçoit une carabine, ça? C'est le petit gars qui reçoit la carabine, ça, ouais. Il reçoit une carabine, puis c'est un film de Noël. Il reçoit un BB gun. Il reçoit un gun à plomb, une carabine à plomb. Mais pendant tout le film, il veut avoir le gun à plomb, puis t'as plein d'affaires de Noël des années 50 qui se passent. C'est ça le problème, c'est un film des années 50 américain. Non, c'est un film des années 80 qui... Hein? Oh, et c'est The Wonder Years, mais Noël avant The Wonder Years. Non, non, Christmas Story, c'est pas un remake. Non? Christmas Story, c'est un film qui a été fait dans les années 80, qui est un flashback d'une enfance de Noël tu vois, dans les années 50. C'est pour ça que ça a pas pogné. Ça a pogné en tabarnak ouais, jusqu'au ben, Québec. Au Québec, c'est ça que je veux dire. Puis le kid, en plus, il veut toujours son BB gun, il rêve de son BB gun, il pense de l'avoir, puis les parents sont comme, non, you're gonna shoot your eye out if you have a BB gun. Puis il y en a un. La première fois qu'il le fait, il tire, son BB rebondit, même, puis dans il rentre dans l'œil. Ça finit de même. Mais ça Noël, finit pas de ça? Même. Là. Ouais, c'est a Christmas Story. C'est un classique. C'est ça le ça, titre là. Du film. Je le vendais. À notre auditoire québécoise, A Christmas Story, regardez ça, ça vaut la peine. Pochette est verte un peu et avec les petits gars. Puis... Mais si tu connais The Wonder Years, tu connais Stand By Me, tu sais, genre de film où tu as un monsieur qui est en train d'expliquer son histoire, puis tu as le monsieur qui fait la narration de son enfance, mais c'est ça que c'est, là, Christmas Story. C'est très drôle. T'as la fameuse scène avec le kid où ils veulent se challenger à mettre leur langue dessus le poteau gelé. Ouais, ça, là, c'est un vrai. Des ça, kids qui le fait, puis il met sa langue dessus, puis il respire. Ouais. Puis là, il a la langue en patate tout le long du film. Moi je suis curieux, là, puis je veux savoir, c'est quoi votre tradition en Noël? T'sais, y'a-tu de quoi? T'sais, moi, j'ai parlé de Ghostbusters, j'en ai d'autres traditions, là, mais y'a-tu de quoi qu'il faut absolument que vous qui se passe ou que vous devez faire, parce que sans ça, c'est pas Noël, là. Souvent, c'est un élément déclencheur. En plus, on fait ça, on fait comme, OK, là, j'ai le mood. Là, je suis dans l'ambiance du temps des fêtes. Let's go, je me lâche lousse. Tradition. Moi, il n'y en a pas vraiment parce que ça change tout le temps. Moi, je suis celui qui va tout le temps chez du monde à Noël. C'est pendant 3 ans, on va chez ma soeur. L'autre 2 ans, c'est chez ma mère. Mm-hmm. Fait que moi, je suis un peu. Puis j'ai pas vraiment de tradition. Cette année que j'ai commencé, par exemple, le monde chiale tout là-dessus sur Facebook, mais j'ai commencé le lutin avec ma femme. Puis au début, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? D'où c'est que ça sort? Puis c'est quoi cette affaire-là? Puis dans le fond, ça venait de la garderie. Puis mon gars, il trippe bien raide. Fait que le soir, on fout le bordel en quelque part dans la maison, genre dans le coin, là, genre je mets ses crayons à l'envers là, ou quelque chose de même. Ah, c'est cool. Je chaque le lutin là-dedans. Puis lui, le lendemain, il se lève, puis il voit ça, puis il vient me réveiller, les yeux gros comme des deux pièces. Puis papa, le lutin, il a foutu sa mort. Ah, ça doit être cool, ça. C'est vraiment drôle, là, tu sais, où il me sort de quoi. Là, le lutin, il a mis la patate partout, puis... on arrive, puis on check, puis on fait « Ah non, maudit lutin, tu sais, puis c'est moi qui l'ai tout mis partout la veille. » Qu'est-ce que je ferais, moi, qui serait malade, là, tu sais, c'est, mettons, regarde, je sais pas, pendant que t'es pas à maison de quoi de même, tu sais, je viens, puis là, je fous le bordel, puis je mets le lutin, mais genre, toi, puis ta femme, vous rentrez avec l'équipe, tu fais comme « Ouais, que c'est oh, ça. Oh, fuck! » Mais tu genre, de... le lutin, il a vraiment foutu ça à merde, là, puis c'est pas... T'essaies de garder la game... C'est ça! Là, tu peux pas le dire devant les enfants, mais t'es comme, il y a quelqu'un qui est rentré ici, puis il a tout saccagé! Ouais, mais c'est juste drôle, le kid, il capote, là, tu sais, fait que c'est... Mais c'est ça, tu vois, c'est le fun de leur voir la face. L'autre, il est tout petit, puis il comprend fuck all encore, là, il y a un an et demi, puis... Oui, la seule fois qu'il voit, c'est des décorations dans le sapin, puis comme je vais y prendre, tu sais, mais... Moi, je l'ai vécu de l'autre côté, tu sais, j'ai pas de kid, puis ce que j'ai trouvé cool, là, c'est la créativité du monde, puis un peu le... J'ai eu deux de mes chums sur Facebook, que mettons qu'ils se challengeaient avec leur avec mauvais coup de lutin, tu sais, c'est comme, hey, le lutin, il a mis du papier de toilette partout... Ouais, mais chez nous, le lutin, moi, il a mis des condiments sur un mur, puis il a fait telle affaire. Puis... Mais chez nous, le lutin, il a viré le sofa à l'envers. Puis moi, je voyais une photo, puis j'étais comme, jusqu'où ils vont se rendre? Il arrête quand, le lutin? Le lutin a brûlé la maison, puis il a réclamé aux assurances, tu sais. Le lutin, il a violé ma femme. Ben, c'est quasiment ça. Quoi? Ah oh, non, c'est weird, ça. Eric, il est rentré dans cette deep dark hole. Eric, il est retourné sur Reddit, lui, je pense. Reddit me traumatise cette semaine. Je n'ai trouvé une bonne, là, c'est ceux qui le connaissent là, sur Facebook, il est bien populaire, là, Sylvain Marcoux. Ouais. Il a juste écrit comme « J'ai flushé à la toilette pendant que mon kid il était dans la douche, puis j'ai dit que c'était le lutin. » C'est juste genre de niaiserie que tu fais à ton enfant. Brûlé, là. Ah! C'est le lutin. C'est ça, c'est juste drôle. Dis, ah, le lutin, puis c'est toi qui flushe la toilette. Moi, tu vois ça, je suis safe à la maison, parce que si quelqu'un fait ça... T'entends comme la pression monter dans la douche. Fait que tu sais, mettons, t'entends la toilette flusher, puis là tu fais OK. Puis là t'entends. OK, tu le sais. Puis là, maintenant, l'eau chaude commence à arriver. Fait que t'as le temps de te tasser. Je viens de faire le son le plus viril de toute la balado-diffusion, mesdames et messieurs. C'était un pet série, man. C'était. Ah, c'était. Ta tradition, Eric? ma tradition. Mais moi, tu sais quoi, j'ai une tradition. On la fait plus trop, mais. C'est parce que je suis loin de chez moi, mais c'est les soupers de ma mère, des choses comme ça. Mais les soupers de famille, moi, je veux dire, c'est sûr que c'est une tradition que tout le monde fait. Moi, j'aime ça. Puis j'aime, quand j'étais kid, là, j'aimais, tu sais, la veille de Noël, ben, tu joues des jeux vidéo jusqu'aux petites heures du matin. C'est malade. Puis ça, c'est quelque chose que je fais depuis que j'étais un enfant, puis j'aime le faire. Des fois, je le fais pas tout le temps. C'était souvent là que t'avais ta nouvelle console aussi. Fait que c'est moi, un de mes meilleurs souvenirs de Noël, c'était d'avoir une cassette importée de Super Mario Bros. 3 pendant que toute ma famille est en train de sauter une brosse en bas, puis moi, j'étais en train de me mettre des... minuit, là. Moi, j'étais en train de me mettre des cornes sur les pouces à jouer à Super Mario 3 dans ma chambre en haut, parce que là, les gens, ils me chialent pas pour que j'aille me coucher, fait que je le fais, puis... Hey, j'ai vécu ça avec un Super Scope. Mon père m'avait donné ça, puis le Super Scope, là, je dis ça, puis t'as un paquet de monde, ils sont comme, le voyons, non, robot, c'était là. Plate, ça. Le jeu que tu bazookais des robots, là. Hey, puis ça, là. C'était bon, ce jeu-là. Moi, je jouais. Bazookais, le terme bazooké. Que je vais bazooker, nous bazookons. Mais, tu sais, j'étais en train de jouer avec mon cousin, puis là, t'as mon père et mon oncle qui arrivent un peu sur la brosse, puis. C'est quoi ça? Puis là, dans le sous-sol, on avait comme deux sofas, ça faisait un L. Là, t'as le père qui s'assied un peu avec sa bière, puis regarde jouer, puis oh, ça a l'air drôle, ça. Puis mon père, c'est quelqu'un de très strict, quelqu'un de très... il est super drôle, mais tu sais, c'est quelqu'un... Il me fait penser beaucoup à Red Foreman dans That 70s Show, OK? Il y a une belle mon père, là, il y a une très belle corvette plus, aussi. C'est vrai. Tu vois, c'est un peu ça. Finalement, mon père, c'est Red Foreman, mais il s'assied, puis tu sais, là, il y a une coupe de bière dans le nez, puis oh, ça a l'air funny, ça, passe-moi non ça, le bazooka. Puis tu sais, là, t'es un kid, tu viens d'avoir ton bazooka, pis finalement, c'est ton père pis ton oncle qui joue pendant des... Hey, ils ont joué jusqu'à, je pense, c'était 3h du matin. Pis moi, je m'en souviens parce que j'ai réussi à rester réveillé jusqu'à 3h du matin, tu sais. Pis c'était cool, pis là, on jouait au Super Soaker, pis après ça, j'ai perdu la cassette, pis ça a pu marcher. Des souvenirs semblables, mais avec ma cousine, elle avait eu son... Un menaceur de Sega Genesis? Mario Paint. Ah, ça, c'était cool. Elle ça. Voulait tellement Mario Paint. Fait que là, tu sais, il y avait un jeu, Nowhere, là, que tu cliquais sur une mouche, là. Mm-hmm. Hey, on a passé des heures là-dessus à cliquer comme des débiles, essayer tout le temps de battre plus le record d'avant. Puis, un moment, il y avait comme une grosse mouche géante, là. Puis, en tout cas, c'était... Hey, c'est de valeur que Papa Cassette, il ait fini à soir, malheureusement. Faire des tunes, faire de la musique. On était pourris, mais... Parce que Papa Cassette, il n'aurait pas fini ses soirées au Funzo, ça aurait été une affaire popée. Tu sais, se prendre toutes ses... Tu sais, avec fini ses plugs, ben, je pense qu'il avait marqué que c'était comme la dernière de l'année ce soir au Funzo, quelque chose de même. Mais tu sais, ça aurait été cool d'en avoir un. Ouais, mais avant l'année prochaine, justement, faire comme un genre de Noël. Tu sais, un Noël, mais avec le Mario Paint, avec le Super Scope, le Menacer, puis toutes les cossins que... T'avais probablement à Noël, t'as joué avec deux mois puis t'es oublié après. Nos souvenirs à nous autres de Noël. C'est ça. Fais-nous un party là avec nos souvenirs de Noël. Un Virtual Boy. Virtual Boy, ouais, des crampes dans le cou. C'est ça, c'est hot. Crampes dans le cou, crise d'épilepsie. Jouer à Wario. Oh boy. Mais ouais, non, dans le fond, ouais, jouer jusqu'aux petites heures du matin, les soupers de famille. Soupers de famille, moi j'adore. J'avais aussi une tradition que je faisais quand j'étais avec la famille, c'est les tournois de poker. On avait des parties de famille, puis on avait des tournois de poker. T'avais la table des jeunes, la table des adultes. La table des jeunes, c'était pour rien. La table des adultes, c'était pour du cash. Mais ça, c'était tout ça. Je me rappelle des bons souvenirs de poker en famille. Là. Et tu sais, la maudite toune de bûcheron qui parle à minuit, là? Sais-tu de quoi je parle? Le DVD avec la bûche qui brûle? Non, non. De quoi? Ça, c'est le 550. Celle que t'achètes à l'épicerie à vanille et à crème en glace? À minuit, il y a tout le temps une maudite toune de bûcheron. C'est comme un speech de bûcheron, puis il raconte comment c'est triste, puis qu'à Noël, c'est comme tout timé. Là. Ça doit être genre Rouge FM qui passe ça. Les vrais, ils savent de quoi je parle. Fait que tweetez-moi ça. C'est le titre de ça. Je sais pas écoute tout, de Rouge quoi FM tu le 24 okay. décembre à minuit, tu vas voir, il y a un genre de bûcheron qui parle tout seul, il est triste, puis il fait comme un speech, puis c'est timé pour qu'à minuit pile, il crie genre « Joyeux Noël! » C'est dans le speech, genre. OK. C'est... Ouais. Rouge FM, hein? Ben genre, là. C'est un Rouge poste FM. De même, là. T'écoutes Rouge FM, toi? Tout le temps. C'est le soundtrack de GTA qui passe. Ben j'avoue, ouais, ils font juste jouer Sunglasses at Night puis en loop. C'est que ça. Puis une fois de temps en temps, Véronique Cloutier vient jaser. Le midi. Live de sa cuisine. Fait qu'en gros, là, un bon temps des fêtes, ça se passe avec nos proches, ça se passe avec nos familles. Oui. Ça se passe surtout en faisant faites des choses. Que vous aimez. C'est ça. C'est tout court. Cool, gâtez-vous. On fait dit ce qu'on des aime, trips. Mais gars, toi, peut-être tu tripes ces échecs. Là, joue aux échecs. T'es. Mais justement, je serais curieux de savoir c'est quoi les traditions des auditeurs, ouais. Justement. Ouais, de savoir. Vous, ça. Vous avez-tu une tradition fuckée, vous autres? Ben, peut-être pas fuckée. Là, mais c'est juste... pas fuckée, non. Ghostbuster. Fuckée. Okay. Juste une. T'as-tu quoi de spécial là, que tu fais chez vous? Puis, Ouais. Ça, je serais curieux de savoir qu'est-ce qui se passe dans vos maisons. Y a-tu de quoi? Y a-tu une tradition? S'il y en a des bonnes, qu'est-ce que vous planifiez de on faire? On les dira au prochain épisode. Les, exactement. Est-ce que vous faites spéciales. Des parties entre amis avec des bols de clé de char? Tu sais jamais ça, ouais, on aime les entendre. J'ai jamais été dans ce genre de party. Moi non plus. Moi non plus. Mais j'aime entendre des histoires de ces histoires-là. Il y a une affaire, par exemple, qu'on n'a pas parlé... Moi, je continue, j'arrête pas là-dedans. Là. Il y a une affaire qu'on n'a pas parlé. On n'a pas parlé de lecture, je me rends compte. Puis moi, j'en fais un peu pendant le temps des fêtes. Ready Player One, si vous n'avez pas lu ce livre-là. Ouais, tu m'as parlé. Toujours, t'as le passé dans pas longtemps. Il faut que tu me passes un livre. Oui, c'est vrai. C'est. Vas-y, y mettre Ready Player One comme challenge. Mais tu voulais aller le lire. C'est parce que je voulais pas y donner une brique. Ready Player One, tu le manges comme un bonbon. Ready Player One, honnêtement, c'est votre lecture du temps des fêtes. C'est un beau cadeau pour un bon Noël aussi. Je dis ça de même. Ça a l'air sophistiqué de donner un livre aussi. C'est de la littérature. Profitez-en pendant que les prix sont encore abordables. Puis, écoutez, c'est un des meilleurs livres que j'ai lu de ma vie. On a parlé de nostalgie toute la gang ensemble autour de la table. Là. Puis sans joke, là, si vous avez des suggestions de livres aussi là, pour le temps des fêtes, je suis en train d'en continuer quelques-uns. J'ai ma copine qui va m'en passer d'autres, mais je suis toujours ouvert à des suggestions. Moi, je veux que vous me suggériez des comics. Je suis moins livre, j'aime lire, ouais. Mais... J'aime bien comics. Puis moi, je vous suggère, gars, si vous l'avez pas lu, Invincible, c'est pas du tout à ce qu'on s'attend. C'est le gars de Walking Dead qui l'a écrit. Gars, j'ai parlé des Ninja Turtles tantôt, mais je suis bien surpris. Fait que lisez ça, sinon. Puis Uncanny X-Men de numéro 1 à 543, là. À peu près toute la gang, là. C'est toujours du bon, les X-Men. Fait que je les ai toutes, mais je les ai pas lues encore. J'ai le goût de me retaper. Juste avec le 1 à 553, tu m'as rappelé d'un devoir que j'ai eu pendant le temps des fêtes quand j'étais très jeune. Puis c'est toi qui as des double annual là-dedans. Non, c'était les estis de livres, là. Écrire 1 jusqu'à 10 000. Ouais. Puis c'était un devoir de pendant le temps des fêtes, man. Attends, 10 000 quoi? Mots? Non, écrire 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10 000. C'est ça, l'éducation. Qu'est-ce que tu faisais à l'école pour mériter ça, toi? École catholique française. C'était toi qui vendais la drogue, hein? Non, on parle de... Hey, tu parles de quelque chose de même, je dis ça de même, là. Mais avez-vous déjà fait ça? Moi, j'ai eu des copies quand j'étais jeune, au primaire. Avez-vous déjà eu une copie, ouais? Ouais. Une copie? Moi, j'ai eu des copies. Copier 200 fois la même phrase. Ah, ouais, ouais, souvent. Ben, ouais, moi aussi, c'est un petit peu trop souvent. Mais j'ai vraiment tapé comme 3-4 crayons ensemble à un moment donné, puis je l'ai fait. Avez-vous déjà fait ouais, ça? Ouais, ça l'avais fait avec deux, moi. Okay, moi, j'ai tenu les deux ensemble. J'ai eu 3-4, là. J'avais comme tapé drette, là. Ah, c'est ingénieux. Pas étudié longtemps, mais j'ai pas eu grand copie non plus. Non, ok. Oh, André, moi, c'est le good guy. Good guy même. Andy, ouais, c'est ouais, ouais, j'étais le good guy à l'école. Ah, moi, je me demandais. Je faisais traiter de nerd. J'étais le gars qui a porté des jogging trop tard au primaire. Tu sais que tout le monde était rendu aux jeans, mais moi, j'aimais pas ah, ça. J'étais de même, moi, avec. J'étais de même. Ouais. Macho Man Randy Savage en 6e année. Tout le monde était la page du Canadien en haut de la poche. Ok. Nous sommes le geek collectif. Motocross écrit sur le bord d'une jambe. On va revenir donc dans deux semaines. La semaine prochaine, ça va être Milter avec sa manette dorée. Merci de nous avoir écoutés. On vous invite à communiquer avec nous sur la page Facebook, facebook.com/geekcollectif le podcast, ou sur Twitter, @geekcollectif. Envoyez-nous justement vos traditions, vos suggestions pour le temps des fêtes. Vous avez des activités cool que vous faites, des choses à nous faire découvrir. Partagez-les avec nous. On va pouvoir les redonner aux auditeurs ensuite puis aux adeptes sur les pages sociales. Milter, les gens veulent te suivre. Ils te suivent où? @zombiemilter sur Twitter. Envoyez-moi plein d'affaires stupides, j'aime ça. Mon nom sur Facebook, la fanpage, Xbox c'est Milter187, sur Steam c'est Milter187, sur PSN c'est Milter187. Fait que vous avez catché la game, là, dans le fond, partout, c'est Milter187. T'es un fan du film de Samuel Jackson? Non, non, c'était comme, je me trouvais bien bad dans le temps à mettre 187, pour faire comme Cop Killer, yeah, tu sais. Puis là, ça coûte juste 8 piastres à changer mon nom, puis ça me tente pas de payer pour ça. Fait que je reste avec Milter187. Montréalien, on veut trouver Eric, on le trouve où? Un peu partout. Moi, en passant, j'ai payé l'argent pour le changer sur mon Xbox, parce que mon nom avait été poche. C'était mais, quoi avant? C'était quoi avant? Ou non, tu c'était veux pas poche. Pas... C'est... Non, non, c'est un nom que j'ai toujours utilisé. Je l'ai encore, le Xbox Live, mais c'était AirDust avant. Okay. C'est un nom que je m'avais inventé quand j'étais très jeune. Mais Montréalien, un peu partout, Twitter, Facebook, pas sur Circle. Moi, je suis sur là-dessus, mais il n'y a rien d'autre. Ça, c'est... Moi, c'est juste moi là-dessus. Xbox Live, priced à numéro 1387 pour... Battle Tag, là, si vous voulez faire des arenas ou des Bee Gees avec un gars qui casse. Excellent. André Paquette, sur Twitter, Uzumaki QC. Sinon, ben, nouveau projet qui va débuter en 2014. On parle de Sériphile, facebook.com/Sériphile avec un S. Sur Twitter aussi. Et sur Twitter, Sériphile avec un S. Venez jaser de télésérie avec moi, comme ça on va pouvoir savoir un peu qu'est-ce que vous écoutez. Peut-être des fois on a des suggestions, puis vous allez probablement pouvoir nous faire découvrir des nouveaux trucs aussi. On va avoir plus de détails sur Sériphile en début 2014 et la continuité du collectif également. Donc, première émission Sériphile sur Coronation Street sur CBC. Non, mais bel essai. Donc merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour Milter et sa manette dorée. Sinon, dans deux semaines, la conclusion de l'année 2013. Flute drop. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't.